Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est un fait qu'il a collé des choses véridiques, véritables et vérifiables. Oui, c'est fiable comme ça. Merci, François. J'étais plus sûr, là. Savais-tu, François, que Facebook a payé 8,5 millions de dollars pour acheter le nom de domaine fb.com? Ah, non. Donc, Facebook.com, ça sert à rien de le taper. Tu peux taper FB.com et te sauver quelques secondes par jour. La transaction est encore plus ridicule quand on considère le fait qu'en 2005, le réseau social n'avait eu à payer que, que 200 000 $. Il n'y a pas de liaison parce que le mot « eu » ouais. 200 000 $ pour les droits de Facebook.com. Dans le temps, le site s'appelait The Facebook et là, ils avaient décidé de prendre Facebook.com. Si vous vous demandiez la question, la précédente personne ou en tout cas l'ancienne compagnie à avoir le nom de domaine FB.com, c'était pas des squatters. C'est des squatters, ceux qui achètent des noms de domaine en attendant que la compagnie, après ça, à qui ça appartient, paye le gros prix. Paye le gros prix, exactement. Non, c'était le American Farm Bureau Federation qui avait FB.com et qui redirigeait ça vers leur vrai site web à eux, qui est FB.org. Ah. Donc, c'était pas du squatting, c'était vraiment une vraie compagnie avec les vraies initiales. Plus de 16 000 enfants au Royaume-Uni et aux États-Unis ont auditionné pour le rôle d'Harry Potter. 16 000. 16 000. À la fin, le rôle est allé à Daniel Radcliffe, un garçon de 12 ans qui, à ce moment-là, n'avait aucune expérience ou presque pas d'expérience sous son chapeau, si on veut. Bien sûr, après 10 ans et 7 films, le public ne pourrait pas imaginer quelqu'un d'autre jouer le rôle. Donc, c'est Daniel Radcliffe qui a eu le rôle parmi 16 000 enfants. Et je peux me tromper, mais il doit être très, très riche en ce moment. Probablement, probablement. Il va peut-être avoir de la difficulté à faire d'autres choses plus tard. Je sais pas si présentement, ses pièces de théâtre et tout ce qu'il fait, ça fonctionne, mais il me semble que le typecasting à la Gilligan's Island, là, ton rôle te colle à la peau à un moment donné. Ouais. Est-ce que tu savais que le mot LOL, OK, bon, LOL, tout le monde sait que ça vient de Laugh Out Loud, mort de rire, rire à voix haute, etc., etc., mais le mot LOL, L majuscule OL, est en fait un mot hollandais qui veut dire plaisir ou avoir du plaisir. C'est un vrai mot. Un vrai mot, en plus d'être évidemment l'abréviation de Laugh Out Loud. Non. Un homme a été payé 100 000 $ pour se faire installer des implants mammaires. Ah, hein? C'est brillant. C'est Brian Zembe, qui est un gambler professionnel qui a eu sa part de mauvaise chance. Il s'est fait un nom en participant à différentes gageures élaborées. L'an passé, il avait accepté de vivre dans une salle de bain pendant une semaine pour 14 000 $. Il a vécu dans une boîte pendant une semaine pour 25 000 $. Par contre, ce qui l'a rendu célèbre, c'est quand il a accepté de se faire poser des implants mammaires pour 100 000 $. Il dit qu'il a fait ça, que c'était la chose la plus stupide de sa vie, que c'était parce qu'il était désespéré en 1996 après avoir perdu 100 000 $ après un mauvais indice boursier, une chute en bourse. Les implants mammaires eux-mêmes ont coûté 4 500 $. Zembic a réussi à se faire faire la procédure après avoir gagné une gageure contre un chirurgien cosmétique. Il jouait au backgammon contre lui et il a gagné. Le gars, c'est tout un gambler. Hein? Quelle affaire. Incroyable. Ça nous dit ici que la gageure originale a été était basée sur un argument qu'il a eu avec un autre gambler, donc une chicane, sinon, si on veut, qui disait que se faire installer des implants mammaires était une chose folle pour une femme. Donc, l'autre gars a demandé pour 100 000 $ à l'autre personne, au gars, Brian Zembic, s'il voulait le faire pendant un an. Zembic a accepté, a reçu ses 100 000 $ en 1997 et en 2006, il avait encore ses implants mammaires. Okay. Là, on est rendu en 2011, là, on sait pas, mais en 2006, il les avait encore. Eh bien, il y a une entrevue d'ailleurs en vidéo sur le site assemblagerequis.com, évidemment, dans l'article. A man was paid $100,000 to get Breton plants. Toujours dans la croix, c'est un fait. On va en apprendre plus sur l'émission Glee. Tu connais l'émission Glee? Ben, un peu. Ouais, par-ci par-là, là, mais. Tu sais qu'il y a un personnage qui est en chaise roulante dans l'émission? Non, je ne savais pas. Tu ne savais pas ça? Ben, c'est le vrai. C'est la vérité, voilà. Artie, qui est en chaise roulante dans l'émission, on a dû refilmer plusieurs fois des scènes de Glee parce que Artie tapait du pied quand il y avait de la musique qui jouait. Artie n'est pas une vraie personne handicapée, dans le fond. C'est un acteur, tout ce qui est plus commun, assis dans une chaise roulante et il tapait du pied, donc il a fallu refilmer. Si vous connaissez pas les personnages de l'émission, donc Artie, c'est ça, joué par l'acteur Kevin McHale, qui est paralysé à partir de la taille jusqu'en bas. Donc il est en chaise roulante. On nous dit que McHale est de loin le meilleur danseur de toute la distribution de Glee. en tant que tel. Et d'ailleurs, il était dans un boy band avant qui s'appelait NLT. Et une de leurs chansons a été produite par Timbaland. Oh! Donc, quand même. Ils ont tout ouvert pour les Pussycat Dolls. Et ils sont allés en tournée avec Menudo. Hein? Les initiales du groupe voulaient dire « Not like them ». Et voilà. Mais le groupe s'est séparé. Et le gars est dans le lit, dans une chaise roulante. Il ne peut pas montrer son talent. Non. Eh bien. La Grande-Bretagne, ou en tout cas la Grande-Bretagne, est le seul pays en Europe qui permet aux enfants d'arrêter d'étudier l'histoire à l'âge de 13 ans. Tu peux arrêter d'étudier l'histoire. Non. Eh bien. 80% des couples mariés cachent leurs achats de leur mari ou de leur femme. Pourquoi? Ah. Ils disent pas, non? Ben, peut-être parce que c'est des dépenses que l'autre personne ne voudrait pas que la personne fasse. Mais 80%, c'est beaucoup. C'est beaucoup de gens, mais en même temps, je le comprends très bien. Et ça m'arrive aussi d'acheter des choses sans dire à ma copine avant. Puis après ça, ben, elle fait « Comment t'as acheté ça? » Ah, non, c'est le chat. C'est le chat qui l'a acheté avec ma carte de crédit. Maudit chat. C'est l'Internet, c'est l'informatique et un virus, mon ordinateur. Les femmes de la quarantaine ont plus de chances d'aller jusqu'au bout de leur premier rendez-vous, tu vois ce que je veux dire par aller jusqu'au bout, qu'une plus jeune personne, qu'une femme qui est en bas de la quarantaine. Mais non, je comprends pas. Va aller jusqu'au bout de son premier rendez-vous. Tu vois pas le bout du... C'est quoi? Pénis. Le bout de... Les femmes de 40 ans ont des pénis? Oui! Non. Au premier rendez-vous, il se passerait des choses plus que d'autres choses que... Comme quoi? Je comprends pas, Mathieu. Du sexe! Ah! Du sexe! Est-ce que tu comprends si je dis oui! Du sexe? Au bout de la... du premier rendez-vous? Du ça sexe. 40 ans et plus de chances? 40 ans et plus, plus de chances que les femmes plus jeunes. Bon. S'il faut le dessiner, je vais vous poster un dessin sur Facebook. Non, je n'ai pas ce talent-là. Plus de 300 millions d'œufs Cadbury sont produits par année. Tu sais, les petits œufs avec la crème. 300 millions. Miam. C'est tellement bon. Oui. Toi, c'est ça que tu appelles aller jusqu'au bout d'un premier rendez-vous. Ben oui. C'est de manger des petits œufs Cadbury ben en moi, ben oui. Standard devant le film. Miam, miam, miam. L'inventeur de Gatorade a ensuite créé une version, une variation alcoolisée, le Open Gator. Qui était essentiellement du Gatorade citron limette mélangé avec de la bière. Ouh. Le Hoppin Gator, j'en veux. Tout de suite. C'est pas de la bière, non. J'aurais dit plutôt un alcool plus fort, comme exemple la vodka ou. Ouais, j'avoue, mais ça, tu pourrais le faire. Tu pourrais sortir ça. À la place d'être Hoppin Gator, ça serait Hip Hoppin Gator. Hip Hoppin Gator. Oui, voilà. Peut-être. C'est tout, François, pour la chronique que tu as fait aujourd'hui. Ben oui. Oh. En tout cas, on sait maintenant ce que tu fais lors d'un premier rendez-vous. Ouais, mais toi aussi, Mathieu. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On parle de la Russie qui veut faire la guerre avec des tanks et des missiles gonflables. Bien oui, vous avez bien entendu, on en entend parler depuis quelque temps. C'est donc Rusbal, qui est une entreprise russe située à une cinquantaine de kilomètres de Moscou. Et l'activité principale pardon, de cette société, créée en 1993, est bien de construire des tanks, des avions, avions de chasse, missiles, etc., mais gonflables. Les produits sont très réalistes et le principal client de l'entreprise est l'armée russe qui utilise ces armes gonflables pour tromper l'ennemi. Viktor Talanov, directeur de l'entreprise, a expliqué à l'association France-Presse que ces engins, et je le cite, sont efficaces pour tromper l'ennemi. Ils protègent des véritables équipements en faisant diversion, tandis que l'entreprise produit également des châteaux gonflables et d'autres jouets pour enfants. Hein, bonne idée, diversification de ces produits. Le directeur explique que la technique du leurre dans l'armée existe depuis plusieurs années et a notamment été utilisée lors de la Seconde Guerre mondiale, lors du débarquement en Normandie. Pardon. De son côté, le chef technique de l'entreprise, Lyudmila Stepanova, eh bien, explique qu'il est difficile à une certaine distance de distinguer si un tank est un véritable ou un gonflable. Et je le cite, à hauteur d'une certaine distance... OK. À la hauteur d'un immeuble de 10 étages, on ne peut pas savoir si un tank est vrai ou faux, même s'ils sont un à côté de l'autre. On ne fait presque pas la différence, d'autant plus que nos machines dégagent la même chaleur que les vrais et émettent même des ondes radio. Donc, ils ont mis un principe à l'intérieur pour voir si c'est des vrais. Ils ont même copié cela. Rusbal tient à préciser que ces objets gonflables sont de qualité très performants et très faciles à déployer. La Chine et le Canada disposeraient également d'armes et de missiles ou de matériel matériel militaire gonflable. Et ben, c'est une bonne idée, hein? Surtout qu'au Canada, on le sait, on n'est pas riche. On n'en a pas beaucoup de l'équipement quand même à l'armée. Ben, on en a beaucoup si on compare à bien des secteurs, bien des ministères. Mais si on compare à d'autres pays, on fait quand même assez pitié. Hein? Et c'est comme ça. Et puis, tiens donc, on va en faire une petite dernière comme ça, une petite nouvelle avant d'aller en pause publicitaire. Une petite fille fait son baptême de l'air à l'âge de 8 minutes. Vous avez bien entendu, une petite Autrichienne a reçu récemment son premier baptême de l'air alors qu'elle était âgée seulement de quelques minutes, alors qu'un hélicoptère des services de secours allemands vole dans l'espace aérien du pays. La ville de Salzbourg, en Autriche, lance un appel de secours pour faire face au cas d'une jeune femme sur le point d'accoucher et qui a donc besoin d'une assistance médicale. Le pilote d'hélicoptère n'hésite donc pas à descendre, prendre en charge la future maman. Et une fois en vol, les personnes à bord de l'appareil se rendent compte que l'accouchement est imminent. Le pilote d'hélicoptère se pose alors dans un champ et assiste à la naissance de la petite Janine 8 minutes après la venue au monde du bébé. L'hélicoptère redécolle pour se rendre à l'hôpital le plus proche. Et donc, l'enfant et la mère se portent très bien aujourd'hui. Belle petite nouvelle, bien cute. Un curé qui donne sa démission car il va devenir père. C'est dans une lettre qui a été lue à l'occasion de la messe de dimanche que le curé avoue qu'il va bientôt être père. Je le cite, « Je suis persuadé que vous êtes décontenancé par cette annonce ou même complètement choqué », écrit-il. Ceux qui l'appelaient mon père ont sans doute cru à une plaisanterie, mais pas son évêque, Marcus Bouquel, qui l'a néanmoins réconforté et encouragé pour l'avenir. C'est bien quand même, ça c'est une belle vision. Et puis c'est une liaison avec la future mère qui daterait depuis plus de 6 ans, et le curé de s'excuser. « Je sais que nous n'aurions jamais dû tant nous rapprocher, elle et moi. Bon, c'est vrai qu'au bout de 6 ans, on peut avoir des pulsions parfois incontrôlables. » Alors, il doit cesser officiellement d'être le curé de Gosseau en septembre. Il pourrait bien se marier bientôt. Belle nouvelle, quand même. Hein? On peut pas dire non à l'amour. Et on parle, tiens donc, d'un hommage au figurant le plus actif de l'histoire de la figuration. Personne ne connaît le nom de Jesse Eisman. Et seuls les spectateurs les plus attentifs à ce qui se passe en arrière-plan peuvent connaître son visage. Pourtant, à presque 33 ans, sa filmographie est impressionnante. De Spider-Man à American Pie, en passant par les lois de l'attraction de Social Network et un paquet de séries comme Chuck, Arrested Development, Glee, Old Christine, Jesse Eisman est sur tous nos écrans. Et il est temps de lui rendre hommage. Donc, on rend hommage à Jesse Eisman, le figurant le plus actif de l'histoire du cinéma. Merveilleux. Bravo. On te félicite. On mettra ta photo sur la page Facebook du Dîner de con. Hein, ça va encore une autre affaire de hot, une autre corde plus haute sur ton arc. Hein? Et puis, une petite dernière, une nouvelle coquine. Ils font savoir à leurs amours du sexe sur leur plaque d'immatriculation. Il y a quelques jours, la chaîne de télévision Mir a indiqué qu'un jeune homme de 19 ans a été condamné à payer une amende de 1 000 $ pour avoir remplacé sa plaque d'immatriculation par un panneau provocateur. Les images de la télévision ont également montré une autre plaque d'immatriculation modifiée qui indiquait l'amour d'un homme pour une femme, puisque l'on pouvait lire « J'aime Aizar ». Plusieurs plaques d'immatriculation ont en effet été remplacées par l'inscription « I love sex », un geste interdit par la loi, mais à la mode dans ce pays asiatique. Cette attitude n'est cependant pas très appréciée par tous, au Kazakhstan, qui est un pays majoritairement musulman. En effet, certaines personnes n'apprécieraient pas ce changement dans les mœurs sociales du pays. Et un groupe de jeunes a notamment milité récemment pour interdire la Saint-Valentin et les films pornographiques. Ça fait pitié, hein? Au Kazakhstan, donc, ces policiers en charge du trafic routier ne savent plus où donner de la tête alors que plusieurs automobilistes, donc, ont remplacé leur plaque de matriculation par un panneau indiquant leur amour au sexe. Donc, c'est pas un couple en particulier, c'est une mode au Kazakhstan. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis. Stéphanie Gagné, sa chronique ton plat favori. Bonjour Stéphanie. Rebonjour. Rebonjour. Ça va toujours bien? Toujours. D'accord. Aujourd'hui, de quoi tu nous parles dans ta chronique sur tes coups de cœur? Aujourd'hui, j'ai deux films que j'ai écoutés cette semaine. Le premier, c'est Never Let Me Go, ou en français, Auprès de moi toujours, C'est un film dramatique anglais qui est sorti en 2010. C'est inspiré du livre du même titre, sorti en 2005 de Kazuo Ishiguro. Les acteurs principaux, c'est Carey Mulligan, qu'on a pu voir dans An Education, un film que j'ai adoré aussi. Keira Knightley et Andrew Garfield, qu'on a pu voir dans The Social Network. Acteur que j'aime beaucoup, en tout cas à date. J'ai juste vu deux de ses films, mais j'aime beaucoup Andrew Garfield à date. J'aime bien ce qu'il fait. Donc, bref, le film se place dans les années 60, 70 et 80. Ça raconte l'histoire de trois amis qui ont été élevés dans un pensionnat un peu étrange. Ils peuvent pas sortir de là. C'est très axé sur il faut qu'ils restent en santé. Ils ont aussi des bracelets. À chaque fois qu'ils rentrent ou qu'ils sortent d'un local, faut comme qu'ils s'identifient devant une machine. Et pourtant, c'est dans les années 60, là, c'est assez étrange. Mmh. Et finalement, on apprend que c'est en fait des clones. Et eux aussi l'apprennent, ils le savaient pas. C'est une professeure qui décide qu'elle se rebelle contre l'école. Ils apprennent que c'est en fait des clones qui ont comme seul but le don d'organes pour leur clone, quand leur clone va être malade. Ah ouais. Donc, c'est assez sombre comme film. Pas visuellement, mais c'est l'ambiance du film. C'est assez dark. C'est pas futuriste du tout, sauf les caméras de sécurité qui sont tout en train de regarder qu'est-ce qu'ils font, et les bracelets, comme je parlais. Mais ça se concentre surtout sur la psychologie des personnes, comment qu'ils interagissent ensemble alors qu'ils savent qu'ils vont mourir bientôt. À partir de 18 ans, ils commencent à faire le don d'organes, et après, je sais pas moi, deux ou trois dons, la plupart des gens complètent, comme ils disent. Ah. Ils disent pas le mot mourir, c'est qu'ils complètent leur vie. Et c'est ça, fait que passer le cap des 30 ans, c'est quasiment impossible dans ce film-là. Donc, c'est vraiment troublant. C'est vraiment spécial à voir, mais c'est vraiment un très bon film. Ça a l'air bon. Oui, c'est vraiment bon, c'est vraiment spécial. J'étais vraiment intriguée quand j'ai vu l'histoire, puis j'ai vraiment aimé ça. C'est super bon. Et mon deuxième film, c'est vraiment pas du tout dans le même genre. C'est un film sportif, The Fighter, ou en français, Le Coup de Grâce. Film sportif inspiré de la vie du boxeur Irish Mickey Ward, avec Mike Wahlberg, Christian Bale et Amy Adams. Moi, j'adore les films de sport. Pour une fille qui aime pas bien le sport, j'adore les films de sport pourtant. Et ce film-là, j'ai vraiment aimé. Il a été nominé 7 fois aux Oscars, et ils ont gagné pour Best Supporting Actor pour Christian Bale et Best Supporting Actress pour Melissa Leo, qui joue la mère. Et dans le fond, c'est l'histoire d'un boxeur qui tente sa chance une autre fois, avec l'aide de sa mère qui est sa gérante et son frère toxicomane comme coach. Et à cause de son frère, il arrive plein de choses. Son frère, il a déjà eu un moment de gloire plusieurs années avant. Mais bon, là, dans la boxe aussi? Oui, dans la boxe aussi. Il a battu un grand boxeur. Puis là, ben, il arrête pas de crier ça partout. Mais là, il est rendu toxicomane, tout maigrichon. Puis il pourrait pas retourner. Là. En plus, ils font un documentaire sur lui. Puis au début, il dit pas que c'est un documentaire sur la toxicomanie. Il dit juste, ils font un documentaire sur moi parce que j'ai battu tel boxeur. Mais finalement, c'est un documentaire sur la déchéance du boxeur, puis comment il s'est embarqué dans la drogue. Mais c'est vraiment, vraiment bon comme film. J'ai vraiment bien aimé. C'est très bon comme film sportif. Non, ça a l'air bon. Oui, c'est ça, très ça bon. Bien. Christian Bale est vraiment, vraiment débile dans ce film-là. Là, il joue vraiment très bien le toxicomane. Donc, on rappelle les deux titres. Le premier film. Fighter, ou Le Coup de Grâce, et Never Let Me Go, Auprès de moi toujours. Voilà, merci Stéphanie. De rien. Évidemment, pour accompagner ton plat favori, il y a toujours les crudités de François Olivier. Oui, j'en ai deux cette semaine. Oh. Deux cette semaine. Les carottes et les céleri. Qui a totalement pas rapport. Et d'ailleurs, c'est un peu grâce à toi, Stéphanie, qui parle de film. J'ai loué Jackass. Non, mais, pas le même genre. Non. Celui en 3D. Ouais, 3D, mais je l'ai pas vu en 3D. J'ai pas T'as manqué toute la dimension, la profondeur de ce film-là. Mais c'est pas grave, c'est très bon. La seule profondeur. C'est ça, la seule. Non, mais écoute, je riais. Je me suis surpris à aimer ça, et puis je me demandais comment ils pouvaient renouveler, si on veut, la sauce. Mais c'est vraiment pas renouvelé, c'est comme la même. Hein? Ouais, c'est la même, mais c'est bon. En fait, ça m'a fait rire. Mais donne-moi des exemples là, des cascades, les loufoques, là. Non. Mais en même temps, je veux pas, parce que c'est ça qui est le fun de voir. Ouais, tu sais, c'est jamais. Oh, ouais, c'est ça exactement. Puis je sais pas si vous aviez vu les previews un peu là. Un peu. Ah, c'est doux, là. Ouais, vaguement. Bon, mais tu sais, en fait, là, si vous voyez les previews, là... Ça dit pas mal tout le film. Ben, mais, surprise, ils sont tous des clones. Non. Mais c'est vraiment très drôle. Bref, louez-le, ça vaut la peine. Parfait. Jackass 3D. Jackass 3D. Merveilleux. Tout à fait. Et ton autre crudité, c'est le spectacle Bio Bazar Bazar. Oui, qui a eu lieu samedi, en fait, avec la super pleine lune là, qui avait lieu aussi en même temps. Donc, ça se déroulait au centre culturel Pauline Julien au Cap de la Madeleine. Très belle salle. J'avais jamais mis les pieds là. Très, très belle salle. C'était le spectacle, c'est ça, comme tu l'as mentionné, de Bio Bazar. C'était le bazar. Bio Bazar Bazar. Donc, très bon spectacle, très, très bon spectacle. Je me suis réconcilié enfin avec la trompette, instrument que je détestais par-dessus tout. Pour vrai? Oui, oui, vraiment. En fait, on dirait que je sais pas, j'aimais pas la trompette, mais là, je me suis réconcilié avec. C'était François Boutin qui jouait de la trompette. Il y avait Charles-André Lambert à la guitare, Christian Laflamme aux percussions et évidemment Danny Jambier aux machines. Les projections étaient très belles. C'était l'aspect visuel là, avec l'espèce de set de DJ. Là. Ouais. C'était réussi. C'était vraiment une très, très belle soirée. Ils portaient des sarraux. Des sarraux. Et puis, c'était vraiment, vraiment concept parce que les projections, en fait, on pouvait les voir quand même sur leur sarraux. C'était vraiment, vraiment très réussi. Pour vrai, moi et ma copine, on a adoré. Et puis, on y retournerait là, demain matin. Ouais. Je regrette d'avoir raté ça. J'espère qu'il va y avoir un autre Bio Bazar Bazar à un moment donné. On sait que la formule a fonctionné cette fois-ci. Oui, tout à fait. La réponse a été très, très bonne. Oui, je pense que oui. Danny avait de l'air content. Je sais pas, faudrait lui demander, là, mais il avait de l'air content. Félicitations, Annie. Oui, oui, oui. Très, très bon spectacle. J'attrape très belle le salle. Proche. Très belle salle. Si vous avez la chance aussi d'y assister, c'est au Cap de la Madeleine. Au Cap de la Madeleine. D'ailleurs, il y avait l'exposition de Guimont, j'en avais parlé la semaine dernière, je pense. C'était encore, je crois, dans ton plat favori. Et puis, oui, c'est ça, exactement. Et puis, très belle exposition aussi. Donc, ça vaut la peine. Merveilleux, François, merci à toi. Maintenant, pour accompagner le plat favori et les crudités, c'est le dessert délicieux de Mathieu. Hein? Et cette semaine, je vais y aller dans la thématique de « Je vous surprendrai pas du tout avec mes choix ». Du tout, du tout. C'est deux vidéos qui sont sorties de Mario Bros. Non, je suis pas surpris. Est-ce que vous avez vu? Non, c'est Freddie Wong et Brandon Lach qui ont passé plus de 60 heures à construire une version first-person shooter de Super Mario Brothers, le premier tableau, évidemment. Pour accomplir leur œuvre, ils ont utilisé 3DS Max, Fume FX et After Effects. Donc, si vous allez voir la jolie petite vidéo sur l'article sur assemblagerequis.com, vous pouvez même entendre la super chanson remixée de Mario. Écoutez ça. Hein? Et là, on voit vraiment, tu sais, le grand plan, là, à partir du ciel, et qui zoome vers le tableau. Et là, on voit vraiment comme si on était dans la tête de Mario. Mario qui court et qui fesse en tous les blocs. Tu vois tout ça. Comme un shooter. Wow! Ça sonne bien, Mario. Oui. Allez voir ça. C'est vraiment impressionnant. Très, très, très bien fait. Jusqu'à la fin. Flag capture. C'est super bien fait. 60 heures de très, très beau travail pour un tableau aussi classique que ça. Et puis, l'autre vidéo de Mario, évidemment, parce qu'il fallait que j'en ai deux, c'est une bande-annonce qui a été montrée au South by Southwest Film Festival, qui montre une version un petit peu plus réaliste que ce qu'on connaît de Mario, avec vraiment plus de réalité. Donc, on écoute cet extrait-là aussi. I was lying there on the grass. A turtle walked right up to me and goes... How many people are you willing to step on to get what you want? I told you it was good shit. Yeah. Histoire de drogue et de tortues et de différentes choses plus réalistes de Mario. Donc c'est vraiment l'histoire de deux plombiers. Un peu comme aurait dû peut-être être le film qu'il y a eu dans les années 80. C'était bon pareil, mais c'était pas un film de Mario tant que ça. La princesse, les Koopas. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais... C'était douteux un peu. En tant que film, j'ai bien apprécié quand même. C'était pas mauvais, ce film-là. Mais c'était pas du Mario pour moi. Alors que ça, ce l'est. Who's there? Ah, c'est joli. La princesse là-dedans. En tout cas, bref, c'est allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com dans la section ton plat favori. Et voilà pour le combo, l'assiette à déjeuner au lit qu'on vous offre ici à Assemblage Requis. Moi, je viens de penser à quelque chose d'autre que j'ai découvert hier. Quoi? Et que j'aurais pu le mettre dans mon plat favori. Est-ce que vous connaissez Damn You Autocorrect? Oui! Oh mon Grâce Dieu! Grâce à toi, je pense, sur Facebook. Hier, j'ai posté ça. Oh mon Dieu! J'ai ri là, pendant une bonne heure. Allez voir ça. Damn You Autocorrect. C'est des gens qui, avec leur iPhone, ils envoient des messages textes et que le iPhone corrige ce que la personne écrit. Mm-hmm. Mais des fois, ça fait des tournures de phrases vraiment, vraiment étranges. Comme là, il y a une fille puis son mari qui parle. Puis là, elle dit « Ah, t'es-tu malade aujourd'hui? » Puis elle dit « Non, c'est pas si pire aujourd'hui. J'en viens pas qu'on va avoir un autre enfant. » Puis là, il répond « I'm leaving you. » Mais c'est pas ça qu'il voulait dire. C'était... « I'm loving you. » Non? C'est de quoi du genre. Je m'en rappelle plus exactement de sa vraie réplique. Puis là, elle est là « Quoi? Quoi? » Là, tu dis « Maudit autocorrect. » Ouais, exactement. Ou il y en a un autre que c'est « Je viens d'aller porter mon ex. » Mais dans le fond, il avait écrit « I'm dropping off RX ». C'était genre sa prescription pour des médicaments. Puis là, elle est comme « Quoi? Tu m'avais juré que tu la reverrais, puis... » En tout cas, c'est vraiment hilarant, là. Là-dedans, il y en a que moi, je doute, là. Je doute que ça a été arrangé, ouais, certains, ouais, là-dedans. Là, voyons donc. C'est trop loin du vrai mot, là. C'est trop... Non, il y en a que ça se peut pas, je trouve. Ah, oh, mais c'est tellement drôle. Faut les essayer dans le vrai iPhone. Et on voit que le iPhone est assez pervers comme téléphone parce que des fois, il change des mots tout à fait normaux pour des mots très, très cochons. C'est pas normal. Non. Moi, je pensais qu'il allait faire le contraire, mais bref. Allez voir ça. Damn you, autocorrect. Il y a même un livre. Oui, ben tous les sites, tous les blogs populaires ont un livre. Tous plus ridicules les uns que les autres. Il y en a par contre que j'aime beaucoup, des livres qui rajoutent du contenu exclusif aux livres, là, dans les coins, dans les marges, des petits dessins comme ça. Ça, j'aime ça. Bref, de belles opportunités pour faire de l'argent pour des compagnies de livres, ces blogs-là. Ah, moi, j'ai quasiment le goût de l'acheter. C'est tellement drôle. Ouais, mais c'est... Renseigne-toi avant. Je te conseille de te renseigner parce qu'il y en a qui sont vendus comme 10 ou 15 $, mais c'est exactement les mêmes affaires que sur le site avec rien de plus. Et là, je trouve que ça vaut pas la peine. Ouais. Parce que tu lis une fois ce livre-là et puis tu connais les blagues. En effet. Bon. Bref, on va se quitter avec. Stéphanie, on va se quitter, oui, avec une pièce de Biobazar parce que François en parlait dans ses crudités. Voici Moon Queen au 89.1 FM. Écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et voici justement... L'ajustement, présenté par les étudiants du département de chiropratique de l'UQTR. Salut Nicolas! Salut! Ça va bien? Très bien, toi? Ben oui, là, je suis en forme. Fait que, de quoi tu peux venir nous parler aujourd'hui côté chiropratique? Écoute, aujourd'hui, on vient parler aux auditeurs de l'histoire du programme du doctorat en chiropratique ici à l'UQTR. Donc, okay. comment c'est parti, pourquoi le programme a été parti ici à Trois-Rivières. Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que ça fait longtemps? Écoute, c'est un programme qui est parti en 93. Okay. C'est en 92 qui a été accepté que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, Lucienne Robillard, a autorisé en novembre 92 que le programme de chiropratique soit offert ici à l'UQTR. Et pourquoi ici à l'UQTR? Tout d'abord, faut vous remettre un peu en contexte, c'est que les chiropratiens, avant 92-93, devaient aller chercher leur formation universitaire soit au CMCC à Toronto, CMCC qui est le Canadian Memorial Chiropractic College, okay. qui offre la formation en chiropratique à Toronto, au Canada, et sinon aux États-Unis. Exactement. Donc, il n'y avait aucune formation offerte ici au Québec. Donc, il y avait une volonté de la part des chiropratiens au Québec d'avoir une formation en chiropratique dans une université. Et d'être reconnu ici et tout ça. Exactement. Bien, on était déjà reconnus oui, depuis reconnu 1973. Comme profession, mais exact. Être... D'avoir une formation universitaire ici. C'est bien. Donc, c'est ça. Donc, en 1988, il y a des démarches qui ont été entreprises par... une gang de chiropratiens, un comité, si je peux dire, oui. pour monter le programme de doctorat en chiropratique et puis le proposer au gouvernement du Québec. Et comme je l'ai dit, c'est en novembre 92 qu'il a été accepté. L'UQTR, pourquoi l'UQTR? Parce que l'UQTR, si je me rappelle bien, selon mes notes, oui. A démontré une volonté d'avoir une optique santé. Oui, il n'y en avait pas vraiment. Exactement, puis c'était une tangente vers laquelle ils voulaient se lancer. Donc, chiropratique était un bon moyen pour eux de commencer cette vibe-là, si je peux dire. Okay. Et après ça, bon, il y a eu l'avènement des programmes comme podiatrie, ergothérapie, médecine maintenant. Maintenant, un pavillon de la santé. Exactement, pavillon de la santé. Et puis, donc, c'est ça. Donc, vous avez été un peu les instigateurs. Les leaders. Ben oui, exact. Et puis, mention aussi au pavillon de la chiropratique qui n'était pas construit avant que le programme de chiropratique oui. existe. Et puis ça, ça a été financé en grande partie aussi par les chiropratiens du Québec ah oui. qui ont donné 1,5 million pour la construction du pavillon de la chiropratique à l'UQTR. Donc, hein, c'est bien. Des fois, quand on se met ensemble, on peut arriver à quelque chose. Exactement. Que c'est bien dit. hein? Et donc, le programme de chiropratique, en gros, c'est quoi? C'est 245 crédits étalés sur 5 ans. Un gros programme. Un gros programme quand même assez chargé où il y a 47 nouveaux étudiants, maintenant 47 avant 45, qui okay. sont admis à chaque année en première année. Donc, ce qu'on apprend, bon, il s'est divisé en trois, là, formation fondamentale en sciences biologiques et de la santé. Donc, tout ce qui est biochimie, histologie, physiologie, tout ce qui est sciences fondamentales. Qui doit ressembler un peu à la médecine, ce Exactement. Côté-là. Donc, ces cours-là, on les a justement avec des étudiants en médecine, en podiatrie, toutes les sciences de la santé, on a nos cours ensemble. Ensuite, une formation qui est plus spécialisée dans la discipline chiropratique, quand on parle des techniques d'ajustement chiropratique, ce qui est de la pratique professionnelle en clinique privée, tout ce qui est diagnostic puis application de la science chiropratique. Et puis finalement, une formation clinique où... Donc, on pratique pour vrai avec des vrais cas. Exactement, à la clinique universitaire ici, pendant environ 1530 heures de stage et d'internat que chaque étudiant doit passer au travers pour, à la fin, obtenir son diplôme de doctorat en chiropratique. Et puis, donc c'est ça, en tout et pour tout, vous vous sortir des beaux petits chiffres. Là. Le programme de chiropratique, c'est 2382. Oups! Oups, là, le micro m'a fui! Il se sauve! Le micro se sauve! Donc, Mic check! Non. Donc, le programme comprend 2382 heures de formation théorique et 2587 heures de formation pratique. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, un gros programme assez chargé, mais ça en vaut la peine. Oui, puis donc, tu me dis ça, puis c'est la seule, finalement, école en chiropratique au Canada en français. Oui. Donc, oui, c'est, oui, la, oui. C'est quand même, on peut s'en vanter. Et dans une université publique aussi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est merveilleux. Puis la situation géographique doit avoir aidé aussi. Il doit y avoir des gens d'un peu partout qui viennent. Bien, Trois-Rivières, oui. Trois-Rivières est quand même à proximité de Montréal. C'est ça, c'est au centre. À proximité de Québec aussi. Donc, c'est ça, oui, ça l'a aidé. Puis toi, en tant qu'étudiant, est-ce que tu as des collègues là, qui viennent d'un peu n'importe où? Bien, dans le programme de chiropratique, il y a du monde qui vient d'un peu partout au Québec. Okay. Et même certains qui viennent de l'étranger. OK. Ouais. Donc, un programme qui rayonne. Qui attire, oui, qui rayonne. Puis c'était un peu ça aussi le but d'avoir un programme de chiropratique dans une université publique, c'est de faire rayonner ça à l'international. Ben, c'est réussi, un peu partout je pense. Au Canada. Ben, c'est réussi, je pense. Donc, c'est environ ça l'historique du programme de chiropratique à Trois-Rivières. Ben, merci beaucoup, Nicolas. C'est moi qui vous remercie. On peut te réentendre mercredi, je crois. Mercredi, oui. Donc, dans le cadre de Assemblage requis. Merci beaucoup, Nicolas. Je te remercie, moi aussi. Nous, on va aller en musique avec la formation Monogrenade et son dernier album qui s'appelle Tantal. On va aller écouter la pièce, tiens, La Marge, la deuxième pièce de ce bel album. On écoute ça. Et puis, on remercie encore, Nicolas. Écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis. La chronique, c'est un fait, c'est celle des choses véridiques, véritables et vérifiables dans l'assemblage requis, n'est-ce pas, François? Tout à fait. Toutes les trois V, là. Il y en a trois. Il y en a juste trois dans le monde. Oui, c'est ça. Les seuls importants, du moins. Commençons avec les canneberges. Lorsqu'elles sont mûres, elles rebondissent comme une balle rebondissante. Ah oui, oui. Comme une... C'est comme ça que tu peux voir si, s'ils sont mûres. Et voilà, et voilà. Savais-tu qu'en France, j'ai entendu dire cette semaine, c'est quelqu'un de la famille de ma copine qui disait ça. Bonjour Michel, en passant. Qui disait qu'en France, récemment, genre les canneberges, c'est comme nouveau en France. Il n'y en avait pas tant que ça. Et ils appellent pas ça des canneberges, eux. Ils appellent ça des cranberries. Les cranberries, hein, parce qu'en anglais, c'est des cranberries, tu sais, comme le groupe de musique. Ouais. Donc, Michel essayait de leur déconvaincre. Non, non, c'est des canneberges. Là, là, ben voyons. Non, non, c'est des cranberries. Bien sûr, c'est des cranberries. Ouais. Fatiguant. Ah, laisse faire. Laisse donc faire. Bon. Prochain fait maintenant. Parlons des Dalmatiens. Okay. Tu connais les chiens avec les taches? Ben oui, ouais. De 10 à 12% des Dalmatiens sont sourds. La surdité est très commune dans cette sorte de chien, les dalmatiens. Non seulement est-ce qu'un grand pourcentage des chiens dalmatiens sont nés sourds, mais parmi ceux qui peuvent entendre plusieurs, environ 22%, entendent unilatéralement, ce qui veut dire qu'ils peuvent entendre seulement d'une oreille, ce qui fait que c'est plus difficile pour eux de comprendre d'où viennent les sons. C'est triste, hein? D'ailleurs, des organisations comme le Dalmatian Club of America conseillent de tuer les chiens dalmatiens sourds quand ils sont jeunes, pour éliminer ça dans le futur. C'est bizarre, hein? Pas sûr de ça, moi. Ben là, c'est... Tuer les chiens pour qu'ils arrêtent d'être sourds dans le futur. What? Ben c'est ça, c'est bizarre. Si on reporte ça vers les humains, on va tuer tout le monde qui ont des handicaps? Voyons donc! En tout cas. Ouais, c'est bizarre. C'est... Bref, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec le Dalmatian Club of America. Même si les chiens sourds peuvent être difficiles à élever et des garder en sécurité, donc... pour pas qu'ils se fassent frapper, etc. Parce que bon, s'ils entendent rien, à un moment donné, c'est plus difficile. En fin de compte, ils peuvent quand même être entraînés. Ils peuvent même apprendre le langage des signes. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Il y a une vidéo d'un dalmatien qui comprend le langage des signes. C'est génial. Tuer des... Voyons donc! Ah non! Hey! Malade mental, man! Ben là! Tu connais un homme sous le nom de Bruce Lee? Oui. Bruce Lee? Oui. Ah, Bruce Lee? Absolutely. Lee est né à San Francisco pendant que son père était en voyage en tournée américaine avec la Cantonese Opera Company, donc une compagnie d'opéra cantonaise là, de Hong Kong. Son nom cantonais, d'ailleurs, est Lee Jun Fan, ce qui veut littéralement dire « de retour encore une fois ».« Return again », »,« de retour encore une fois ». Sa mère a choisi ce nom-là, dans le fond Lee Jun Fan, parce qu'elle croyait que son fils allait éventuellement revenir aux États-Unis après avoir déménagé à Hong Kong, après être retourné à leur pays Hong Kong, qu'il allait revenir tel un boomerang, ou comme la Coopsco. Oh, parce que ça vous revient, l'effet boomerang. Oh, oui, ça va. Donc, une des infirmières à l'hôpital a suggéré que le gars, dans le fond, porte le nom américain Bruce. Mais Lee ne s'est pas fait appeler Bruce avant, plusieurs années plus tard, là, quand il était au collège, là, il a accepté le nom Bruce Lee. Étrangement, Lee s'est fait nommer par un nom de fille pendant toute son enfance. Ses parents l'appelaient Siphon, ce qui veut dire petit phénix. Small Phoenix. Ouais. Il faisait ça à cause d'une superstition, c'est une tradition chinoise. Okay. Les Lee avaient perdu leur premier fils, d'accord? Il est mort. Donc, tous leurs futurs enfants, hommes, garçons, allaient porter des noms féminins pour confondre les esprits qui auraient pu voler l'âme de leur garçon. Déjouer la mort. Déjouer la mort en donnant un nom de fille à ton garçon, c'est quelque chose. Vous pouvez en savoir plus sur Bruce Lee, dont des extraits de The Bruce Lee Story sur Google Books, le lien sur assemblagerequis.com. Maintenant, parlons de Kanye West. Le rappeur. Lui aussi, tu le connais. Oui. T'apprécies son travail énormément, j'imagine. C'est de l'épilepsie photosensible, qui est une forme très commune d'épilepsie. Après avoir regardé le vidéoclip le plus récent de Kanye West, en tout cas le plus récent en date de quand l'article a été écrit, ça peut provoquer des paniques, des crises d'épilepsie pour les gens qui ont cette condition-là. Le vidéoclip s'appelle All of the Lights, pour sa chanson qui s'appelle aussi All of the Lights, hein, qui met en vedette des coupures de vidéos rapides là, et des lumières qui clignotent, qui flashent et des paroles affichées, plein d'affaires. Donc tout ça pourrait être très problématique pour ceux qui ont de l'épilepsie photosensible. Donc, la British Organization, l'organisation britannique Epilepsy Action, traduisons les bons mots ici, Epilepsy Action a demandé à ce que la vidéo soit enlevée de YouTube et ça a réussi pour une brève période de temps. Par contre, depuis, la vidéo a été renvoyée sur le site avec un petit avis au début qui dit que bon, ça pourrait provoquer des crises d'épilepsie. En regardant la vidéo, si t'es pas épileptique, va voir la vidéo et dis-moi si tu comprends pourquoi ça pourrait provoquer de l'épilepsie, parce que c'est absolument insupportable. C'est insupportable, c'est évident que ça en cause. Bref, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Kanye West, All of the Lights, featuring à ma grande amie, ma chumée, Rihanna. Oh! La belle Rihanna. Mais faites attention si vous êtes épileptique. Évidemment. Même pour les jeux vidéo, ça dit, il y a toujours un petit avertissement pour l'épilepsie. Ça dit que ça pourrait en provoquer même chez les gens qui ne savent pas encore qu'ils ont de l'épilepsie. Oh. Ça peut déclencher l'épilepsie chez certains. Ça peut être quelque chose. Bref. Le plus petit ordinateur du monde peut entrer sur le N d'une cent, ou en tout cas sur une pièce de monnaie. Je sais pas si on a des N sur les nôtres, mais une pièce américaine a un N et ça entre sur cette lettre-là. Donc, ça mesure environ 1 mm³. C'est un microprocesseur minuscule qui a été fabriqué pour être un moniteur de pression dans l'œil. Donc, c'est un moniteur implantable dans l'œil pour ceux qui font du glaucome. La maladie, le glaucome. On pourrait penser que quelque chose de cette grandeur-là ferait que l'ordinateur à l'intérieur n'est pas très, très puissant. Mais non, la technologie, la nanotechnologie moderne permet à cet ordinateur de contenir un microprocesseur, un sensor de pression, quelque chose qui surveille la pression, une pile, une plaquette de mémoire là, et une petite antenne qui permet de transmettre les données à un lecteur, un reader, là, qui est un appareil qui est placé proche de l'œil. C'est vraiment quelque chose. Le système prend 15 minutes pour ramasser les données de la pression des yeux et demande 10 heures de lumière intérieure ou 1h30 de lumière du soleil pour recharger sa batterie. Donc, c'était à l'intérieur 10 heures de lumière commune ou dehors, à l'extérieur, 1h30. C'est vraiment pas beaucoup pour recharger quelque chose comme ça. Ça ouvre la porte donc à plusieurs autres systèmes qui pourraient mesurer 1 mm³ dans le futur et qui pourraient avoir plein d'applications. Par exemple, ça pourrait être utilisé pour surveiller d'autres parties du corps, l'environnement ou même rendre n'importe quel article intelligent et facile à retracer. Mmh. On pourrait s'intégrer ça n'importe où. Ah, mais c'est très petit, hein? Faire la fabrication de ça, là. Wow! Je sais pas, c'est vraiment incroyable. C'est des artistes, là. Rendu là, là. Vivement la technologie, oui. Des artistes avec de bons appareils pour voir. Hein, ah, ouais. OK, quelques petits faits rapides en rafale. Tu connais les cafés Starbucks? Oui. C'était nommé, ça, d'après le premier matelot du Captain Ahab dans Moby Dick. Ah, je savais pas ça. Il avait aussi, les fondateurs voulaient aussi reconsidérer le nom Pequod, qui était le nom du bateau du Captain Ahab dans Moby Dick. Oh. La distance du bout nord, du bout est, d'accord, jusqu'au bout ouest de l'État du Texas, c'est plus long cette distance-là que la distance entre New York et Chicago, qui pourtant a l'air plus long. Je savais pas ça, quand même. Non plus. Parlant de sommeil, le liquide du corps tend à se ramasser dans les endroits qui sont le plus bas. C'est pour ça qu'on se réveille le matin, souvent avec des sacs, des poches en dessous des yeux. Des poches. Donc, tout s'est vidé vers nos pieds. Et voilà. Vers le bas, vers le bas. Seulement 1% de l'eau qui est accessible sur Terre est buvable. Okay. 1%. C'est pas beaucoup. Je savais pas ça, moi non plus. Et inventé dans les années 1940 dans le Tennessee, le Mountain Dew, tu connais la liqueur Mountain Dew, boisson gazeuse. Très bonne, soit dit en passant. J'adore ça, moi aussi. C'était supposé être mélangé avec du whisky. En fait, les bouteilles étaient faites exactement pour ressembler à du moonshine, qui était un genre d'alcool bidon là, que les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent se fabriquaient. Les étiquettes d'origine de Mountain Dew avaient dessus des bécosses et des yokels, des picnos, là, des gens qui n'ont pas l'air d'avoir de classe. Ben. Si vous cherchez sur Google Images là, ou n'importe quel site, les vieilles bouteilles de Mountain Dew. Et d'ailleurs, ça me rappelle, on a parlé il y a quelques temps à Assemblage Requis du Pepsi Rétro. Depuis, on est devenus des fans en passant, juste pour... T'en as-tu racheté d'autres? J'en ai racheté d'autres, en effet. Oui, plusieurs autres caisses. Là, il y en a encore? Oui, il y en a même dans les magasins de grande surface à grands rayons, là, les grands centres d'achat. Et maintenant, c'est rendu qu'il y en a pas mal de place. J'adore ça. Mais non, aux États-Unis, en même temps qu'il avait sorti le premier Pepsi Rétro, parce qu'il y a eu plusieurs vagues de Pepsi Rétro qui sont passées avec les années, ils ont aussi sorti le Mountain Dew Throwback, parce que c'est Pepsi Throwback et Mountain Dew Throwback là-bas. D'ailleurs, la plus récente version du Mountain Dew Throwback, c'est avec les anciennes bouteilles. Ben, l'ancien look, en tout cas, avec les pecnos dessus. OK, avec un fusil et puis... Ouais, c'est ça, exactement. T'as trouvé la bouteille? Oh, oui. C'est ça, c'est beau, hein? Oui. Ça fait très classe. Oh, oui, tout à fait. Ouais. Voilà pour la chronique, c'est un fait aujourd'hui. François, lui, il est marchand. Merci, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. Genre, style comme, genre comme. Je sais pas comment que les pecnos diraient ça. Ah, je sais pas. Dur à imiter. Hein. Ouais. Ouais, on est pas très bon là-dedans. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et puis on s'en va dans un petit monde que j'aime très, très, très beaucoup. Ah, ça se dit bien, que j'aime très beaucoup. on va aller regarder un diaporama ensemble. C'est pour ça tantôt que je vous invitais à vous rendre sur la page Facebook du Dîner de cons. Et puis on va parler de quoi? Eh bien, les voitures futuristes du passé. Amateurs de modèles rétro et de vision futuriste. Eh bien, le blog Rétro Futur compile les délires les plus fous des créateurs automobiles quand elles ne semblent pas sorties directement d'un comic book. Eh bien, ces voitures s'inspirent du design aéronautique, aéronaval et même aérospatial et montrent ainsi à quel point dans le passé le futur était étroitement lié au développement des nouvelles technologies. Aujourd'hui, ben, on s'inspire du rétro. Hein, vous avez vu en 2011, maintenant on essaye des trucs qui font vintage ou qui font vieillot. Hein? En tout cas, on commence ça tout de suite. On lance ce diaporama à l'instant. Et puis la première, c'est quelque chose. C'est la Volkswagen Balls by Lars Erik Fisk en 1970. Et puis en créant cette Volkswagen, eh bien Lars Erik Fisk est resté sur sa ligne de création. Et si tout était si rond, c'est littéralement, on dirait qu'on a pris une Westphalia, OK? Certaines parties de la Westphalia, et puis on en a fait une balle avec des vitres, c'est très rond. Mais ça roule pas, hein? En tout cas, si ça roule, j'aimerais bien l'avoir roulé, mais c'est plutôt un objet d'art. Mais c'est très, très joli. C'est à voir. Allez voir ça sur la page Facebook du Dîner de cons. La deuxième voiture, eh bien, la Citroën C10 Coccinelle. En 1956, eh bien, André Lefebvre de chez Citroën désire développer un véhicule plus moderne et plus compact que la 2CV, la 2 chevaux. Construite grâce aux techniques d'aéronaval, la C10 prend cette forme de goutte d'eau. C'est littéralement une belle forme ovoïde. Et puis, on sait, les Citroën sont toujours de très belle voiture, mais spéciale, surtout pour nous, Américains. Sinon, on va avec la troisième, la Mercedes C111-3, qui a été construite en 1977. Eh bien, cette Mercedes, profilée comme une voiture de super-héros, a été construite en 1977 et est à l'origine de 9 records du monde en vitesse. Ça vaut quand même la peine. Vraiment une voiture qui fait comic books, là, qui sort vraiment d'une voiture de super-héros. Je peux pas mieux la dire, la décliner. Maintenant, la quatrième, elle aussi qui reprend un peu l'idée de la Westphalia mélangée avec un avion de ligne des années 50. Pourtant, elle s'appelle la D-Maxion by Buckminster Fuller en 1933. Elle ressemble vraiment un peu à un avion assez spécial. On part avec We all live in a yellow submarine. Parce que ça y ressemble un petit peu. C'est une voiture conçue par l'inventeur et architecte américain Buckminster Fuller. Il n'est pas sans évoquer un sous-marin. Moi, je trouvais plus un avion. Elle est capable d'accueillir quand même 11 passagers et elle pouvait monter jusqu'à 140 km/h. Belle voiture, genre de van. C'est à voir. Découvrez-la. Sinon, on va aller avec la cinquième, la Mercedes W196R. Elle aussi sort tout droit d'un comic book pour super-héros. Fine et profilée, la Mercedes W196R était faite pour les victoires. Elle a été construite en 1954 en tant que voiture de course de l'écurie Mercedes-Benz. Elle a remporté 9 sur 12 de ses courses entre 1954 et 1955. Belle, belle, belle voiture argent. Maintenant, on s'en va avec chez Alfa Romeo avec la Bat-7 qui nous fait penser à Batman tout à fait. Hein? Il y a comme des ailes à l'arrière. C'est hallucinant. La Bat-7 était des abréviations pour Berlinetta Aerodinamica Technica. Et cette voiture est le résultat de recherches du célèbre carrossier Bertone et chargé donc par la compagnie Alfa Romeo de concevoir une carrosserie pour mesurer les performances aérodynamiques. Et vous devriez voir la voiture, un très bel objet. Très, très, très bel objet. Maintenant, la Maserati Boomerang en 1971, qui n'est pas sans rappeler la fameuse DeLorean hein, du film Back to the Future, la boomerang a fait le tour des salons, autant Paris, Londres, Barcelone que ceux américains, où elle est partout admirée et célébrée pour l'audace de son style. Aujourd'hui, elle nous ferait plutôt penser à K2000 ou, comme j'ai dit tantôt, à cette célèbre DeLorean du film Back to the Future. Oh, 1955, on parle de la Messerschmitt KR200. Cette Messerschmitt, eh bien appelée aussi Kabinenroller, ressemble à une bulle. La voiture à trois roues a été produite de 55 à 64, période pendant laquelle elle a remporté un franc succès avec 11 000 exemplaires vendus. C'est une voiture vraiment qui nous fait penser aujourd'hui quand on voit la Smart et puis tout ça, un peu le genre de voiture de très petite taille. Maintenant, la Buick Streamliner de 1948, des longues lignes épurées, bien galbées. Vraiment, elle semble un peu plus américaine, mais encore, elle est plus proche du type prototype, justement. Cette Buick Streamliner, imaginée par Norman E. Thames, ingénieur américain en mécanique, et elle est tout en courbe. Il n'y a rien de carré sur cette voiture, tout est rond. C'est pour ça que je dis que ça fait vraiment une voiture prototype. Et puis, ben non, il n'y a pas que seulement les Américains, les Européens. Tantôt, je viens de dire la Buick. General Motors aussi, avec la Firebird 2. Firebird qu'on a connue, qui était comme similaire, qui était exactement à la Transam. Mais cette fois-ci, la Firebird 1956, wow! Le corps de cette Firebird 2 est tout en titane et est propulsé par une turbine à gaz. C'est une voiture de l'espace, une véritable bombe, mais terrestre, sûrement qui a gagné plusieurs prix, justement, en vitesse. Donc, c'est un peu ça qui fait notre diaporama de ces voitures rétro-futuristes à découvrir. Allez sur la page Facebook du Dîner de cons. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Bonjour Émilie Gauthier. Allô. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, vous avez l'air d'avoir chaud, les gars. Un peu. Oui. C'est ta présence. C'est pas la petite neige de cette nuit qui vous a fait ça? Non, ouais. Non. Ben, non. C'est parce qu'on est arrivé de bonne heure et puis un matin, on se dit on se gâte. Ah. On se gâte et quand on arrive de bonne heure, on se relaxe. Tout est permis à cette heure-là. Ouais. Parfait. Voilà. Il y a personne qui est là pour nous juger. Hein, Émilie? J'ai jamais jugé personne. Ben, t'es bien mieux. Ben là. T'es dans l'équipe d'assemblage requis ici et personne ne juge. Personne. Ben, je juge pas. D'accord. Tant mieux. Alors aujourd'hui, tu nous parles de la ville de Québec dans ta chronique. Veux-tu sortir avec moi? Ben, du secteur. Parce que j'ai souvent parlé de Mauricie, centre du Québec. Je me suis rendu compte que secteur Québec, c'est quand même pas loin. Hein? Non, pas si loin que ça quand même. Quand tu parles secteur Québec, c'est vraiment la ville ou? La région touristique, là. OK. Il y a Mauricie, il y a Centre du Québec, il y a Lanaudière. Donc, ça peut être à côté un petit peu de Québec, mais c'est dans la région touristique. Ben là, de Québec. J'ai quand même choisi les plus proches là, de nous. Là. Le okay. Plus loin est à 45 minutes. Là, donc, ah, c'est bien ça. C'est correct. C'est pas. Il y a des places à Mauricie qui sont plus loin que ça. Oh, ouais. J'ai essayé de rester quand même dans le coin, mais je me suis dit pourquoi écarter une région touristique qui est si près de nous. T'es fine. Ouais, je sais. Une chance qu'elle pense à ces affaires-là. Ah, ouais. Ah. C'est ça. Donc, on commence avec le secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne. Oui, c'est des sentiers qui vont parcourir le site d'une ancienne centrale hydroélectrique avec tout ce qui se passe avec les centrales nucléaires. Moi, je vais opter pour la centrale hydroélectrique. On va aller marcher là. Bon. Y a des panneaux où est-ce qu'ils sont inscrits des poèmes le long du sentier de la Cédrière poétique. C'est beau. Oui. Sinon, il y a le sentier Timé. Timé! Ah ben. Je trouvais ça beau. Rempli de sacs de poubelle partout, c'est ça? Non, ben, c'est pas écrit. C'est pas écrit sur le site, non. Okay. Non, OK. Le sentier Timé qui traverse en grande partie la forêt. Il y a le sentier de l'île qui passe devant l'ancienne centrale hydroélectrique. Il y a aussi des grottes. Il y a une paroi d'escalade. Donc, si on veut aussi s'adonner à ça avec le bon équipement, bien sûr. Mm. Il y a une paroi qui est accessible. Il y a des panneaux qui sont présents pour expliquer les phénomènes géologiques, comme le phénomène de marmite qu'on peut observer sur le sentier de la conduite forcée. Ça, c'est quoi, au fait? C'est C'est un phénomène que l'eau est chaude, non? Ben, il me semble que c'est quelque chose avec les poches de gaz, puis que ça fait une eau chaude qui... C'est comme un... Ça bouille, on a l'impression que ça boue, mais... Je suis à 99% que c'est ça. Oh! Il me semble que j'en ai déjà parlé l'année passée, puis il me semble que c'était ça. Bon. Je devrais donc m'en rappeler, c'est ça? Ah oui, Mathieu, d'accord. Tu devrais tout te rappeler de mes chroniques. Aussi, là, le sentier de la conduite forcée permet aussi de voir un barrage et un canyon. Il y a deux passerelles qui sont accessibles pour franchir la rivière au cours des sentiers. C'est pas plus que 25 minutes, à peu près 25 minutes de l'université. C'est pas bien loin. Non, du tout. C'est ouvert tout l'hiver du lever au coucher du soleil. C'est gratuit. On peut se rendre au www.natureportneuf.com pour obtenir un petit peu plus d'informations. Ensuite, on a le centre Ski Neuf, parlant de Portneuf. Ski Neuf. Voilà. C'est de là que ça vient, j'imagine. Hein? Ben, c'est dans la ville de Portneuf. Ça a du sens, hein? Il semble que ça doit être ça. Notre logique est comme un bon 9 sur 10. Ouais, 99%. Ah, 0.9. Ouais. Comme l'isol. Le 0.1%, on s'en fout, hein? Comme qu'il restait 0.1%. Ouais, c'est bizarre, ça. Moi aussi, ça m'a toujours... On s'en fout. Ouais. Hop. Bon, hein? En tout cas, ouais. Donc, centre Ski Neuf, on dit. C'est des sentiers qui vont parcourir... En gros, la forêt. Il y a plusieurs cabanes à sucre aussi, donc on se promène entre les cabanes à sucre. Pour les courageux, on peut peut-être goûter à l'eau d'érable, mais moi, je prends pas de chance. On sait jamais ce qu'il y a eu là-dedans. Ah ouais? Eh ben, je m'en allais dire quelque chose de pas très beau. J'aimerais donc entendre. Je me dis, peut-être qu'il y a un Mathieu qui passe par là et qui se soulage dans le... Ah là, voyons donc. Là, t'aurais pu vraiment t'en tenir à celle-là. Je l'ai demandé, j'avoue, mais je le regrette vraiment. Il y a des légendes urbaines de ça. Une chance que c'est bouilli parce que je ne prendrais pas. Même bouilli. Mathieu prendrait plus de sirop d'érable la journée. C'est un peu ça, là. Là, mais à ce temps, avec les tuyaux, c'est... Ouais, c'est moins. Ouais, c'est clair. C'est quand même. Il y a moins de chance. Si tout le monde parle de la neige dans les trucs de tir d'érable, tu sais que la neige est peut-être pas propre. Ouais. Je sais pas, tu sais. Il me semble, je sais pas. Là. Moi, je la regarde. Là. Oui, oui, oui. Si j'ai des roches dedans, c'est autre chose. Non, c'est sûr. Mais on sait pas. Mais non. J'imagine qu'il y a des règles là-dessus, mais la plupart doivent les suivre. Mais... Je suis pas sûr qu'il y ait des règles là-dessus. Règles établies par eux-mêmes, des règles comme dans « je vais prendre la neige propre ». Oui, oui, oui, c'est sûr qu'ils prennent pas plein de calcium. Là. Non, ils vont prendre la neige qui doit être proche des arbres, parce qu'il y a personne qui a pilé. Ouais, dans le bois. Mais en même temps... Pas la neige du parking non plus. Là. Mais la neige, à la base, ça vient du ciel, le ciel qui a été pollué par les choses, on sait pas. T'sais. Oh, oui. Ben, c'est comme la pluie, tu sais, tu t'empêches de sortir l'été parce qu'il mouille... Parce que ta peau va brûler sous l'acide de la pluie. Non. Je veux pas. Bon. Reste en dedans. Ben, sinon, ou près d'un parapluie. Je rapporte les faits de ce que d'autres m'ont dit. Ça veut pas dire que je le crois nécessairement. Bon, hein, le centre Ski Neuf, si on veut aboutir. Il dit que c'est intéressant. Là. Moi, j'aimais ça. Bon. Arrête de me juger, juge-moi pas. Pas de chicane ici. Je ferai une chronique cabane à sucre. Ça, par contre, une chronique cabane à sucre, c'est nécessaire. Donc, tu devras le faire. Genre. Et tu devras inviter... Mathieu. Le gourmet. Ben, je vois jeudi avec du monde du bac qui est avec nous. Tant bien que je suis pas dans le bac. Hein. Ben, c'est ça. Oui. Non, mais on est comme 4-5 bacs en même temps. Ce serait le fun que tu viennes. Ah. Tu vas te confondre dans la masse, là. Ça va passer inaperçu complètement. Oui. Oui. Donc, centre Ski Neuf de Portneuf. Oui, à part les cabanes à sucre, là, on peut passer par une colline. Le sentier débute proche du centre des loisirs, va longer un ruisseau qui est traversé par un petit pont. Eh bien, Colin, tu peux te faire du ski? Le silence est long aussi. Va sur www.portneuf.com. La réponse te sera inscrite. Mais Ski Neuf, on dirait que c'est... Ouais. Mais ça a peut-être déjà été ça. Mais en tout cas, y a le programme de réaménagement naturel d'Hydro-Québec travaille sur la remise en valeur du site. Donc, ça doit quand même être un site qui vaut la peine. 5 km de sentier pour les amateurs de raquettes en plus du hors-piste accessible. 9,3 km de sentier pour les marcheurs. C'est ouvert jusqu'à la fin mars, début avril. Donc, j'imagine pendant tant et aussi longtemps qu'il y a de la neige. Ouais, c'est ça. Donc, pour l'instant, on est encore correct, mais ça va pas durer. C'est ça. Ouvert de 9h à 16h30, c'est gratuit. www.portneuf.com pour s'informer. Puis c'est à peu près 35 minutes de l'université. Pas si mal. On passe au centre Nature Saint-Basile. Saint-Basile. Faut dire comme ça, je pense. Saint-Basile. Moi, ça me donne faim, on dirait du basilic. Oui. Oh. Mais oui. C'est du basil in English, là. C'est du basil in English. T'es vraiment bilingual, pas mal. I'm so bilingual. Oui, oui. Les sentiers vont passer par plusieurs sortes de végétation. On peut observer plusieurs espèces animales, comme le cerf de Virginie, qui sont assez présents sur le terrain parce que les propriétaires les nourrissent pendant l'hiver. Il y a plein de petits bambis partout. ça donne en tout 13,4 km de sentiers pour les amateurs de raquettes et 3,5 pour les marcheurs. C'est situé à peu près aussi 35 minutes de l'université, ouvert jusqu'à la fin mars de 10h à 16h du mercredi au dimanche. C'est 3,50$ par personne et on peut se rendre au www.lecentrenature.com pour un peu plus d'informations. Maintenant, il nous reste deux places, dont le centre de plein air d'Ancereau. Oui, c'est un sentier qui va longer une grande rivière avec plusieurs rapides. On peut aussi voir une chute, on peut voir le barrage du Grand Remous. On peut voir les ruines d'un vieux moulin datant du 20e siècle. Ah! Ça, c'est beau. Ouais. J'aimerais ça. Semble été comme hiver, ça doit être beau. Ouais. Oh, ouais. C'est ça. C'est ouvert tout l'hiver, du lever au coucher du soleil, 3$ par adulte, 1,50$ pour les 13 à 18 ans. En bas de ça, c'est gratuit. C'est 45 minutes de l'université et on peut se rendre au www.centredansereau.com pour en savoir un peu plus. Et on termine avec le parc familial des berges Kiosque Michel Lambert. Je trouvais que ça commençait à être long comme un titre. Hein? C'est un peu long, c'est le PFBKML. Voilà. Yeah. Malheureusement, il n'y a pas de site web, fait que ça peut pas être ça leur site non. web. Non. Mais on pourrait leur en créer un. Oui. C'est une bonne idée. En cachette. En cachette. Faut pas leur dire. C'est un parc qui est aménagé en bordure de la rivière Jacques-Cartier. Les sentiers vont possèdent des panneaux qui traitent de la faune et de la flore. De la flaune et flown de la flore. Flaune and the floor. Flaune and the floor. On dirait le prochain hit de genre Jay-Z. Flaune and the floor. Flaune and the floor. Flaune and the floor. J'aurais plus pensé genre Keisha ou Lady Gaga. Peut-être, oui. Ouais. Ben, les deux ensemble, là, souvent, ils font des featuring. Ouais. Mmh. Les trois ensemble. Un petit genre de Sestama, les petits ralentis, les blou-blou-blou-blou-blou. Pendant la chanson. Puis là, en plus, t'as le rappeur, puis en plus, t'as le autotune. Ouais. Tout ça en même temps. Flaune and the floor. Avec Mathieu dans le vidéoclip qui fait juste salut. Ça serait comme la reine. Fait juste salut comme ça, comme la reine. Bon. Ça va faire? Oui, bon, je continue. Ou in the floor, in the floor. Floor, in the floor. Le sentier, un des sentiers mène à la rivière par la forêt. Il y a le sentier des marécages qui possède un long trottoir de bois pour pas marcher dans le marais. Et puis. C'est important de pas marcher dans le marais. C'est assez le fun. Bah, ce temps-ci, il est comme semi-gelé. Ouais, ouais. Là, c'est pas si pire, mais. Mettons, dans deux semaines, pas sûr que j'irai marcher. Y a un sentier de 123 marches. Je trouvais ça beau, 1, 2, 3 marches. Ah, c'est cute, hein? Ouais. Mm. Qui va mener à la ville de Donnacona. Y a un belvédère qui permet d'observer la faune et la flore. Flore and flore. Mais c'est vraiment varié, là. Y a vraiment de tout. Par contre, c'est juste 5 km de sentier pour les marcheurs, mais tout leur piste est accessible pour les amateurs de raquettes. C'est ouvert tout l'hiver du lever au coucher du soleil, c'est gratuit. C'est environ 45 minutes de Trois-Rivières et on peut appeler au 418-285-5655 pour plus d'informations. Évidemment, tous les liens et les numéros de téléphone que tu mentionnes sont sur le blog au assemblagerequis.com. Oui. On clique sur le plus récent « Veux-tu sortir avec moi? » Oui. Sur Québec. Ouais. Ouais. Merci, Émilie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, madame. Hein? Madame. Oui, oui. Votre Majesté, comme la reine, on va faire des petits saluts comme la reine. Avec le mariage, là, le mariage britannique entre chaud-chose puis l'autre. Ça vient-tu, ça? On entend parler, mais on dirait que ça ne viendra jamais. C'est l'événement du siècle, hein, il en parle des mois à l'avance. Mm. C'est comme les Olympiques. Hein? Mm. Il n'est pas décidé, là, il n'est pas sûr si c'est la bonne fille. Pour vrai? Je sais pas. Non. Je suis tellement pas sûr. Elle s'appelle Middleton. T'sais. Middleton, c'est comme moyen. T'sais. C'est comme en... Middleton. Ben, tu sais, c'est au milieu, t'sais. Middleton. Ouais. Middleton. C'est pas Hutton, tu sais. Ouais. Hutton. C'est son prénom ou son nom? Son famille, c'est Kate Middleton, ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais, ça se peut Kate, ça me dit quelque chose. Kate Middleton, il me semble. Ah, tant mieux pour elle. C'est pas très plein air, mais... Non, effectivement. En même temps, mes commentaires sont rarement pertinents. Toi, ton nom de famille est full plein air. Plante? Tu plantes? Ben oui, parce que des plantes, ça vit où? Dehors. C'est très ironique, en effet. Ouais. Comment, Mathieu? Pour moi... On sait dehors, c'est pour les autres. Faut te faire sortir. Ouais, ouais. Dehors, c'est pour les autres, tu l'as dit. Dehors existe pour tout le monde. Et pas obligé de participer à ça, il va rester là pareil. Ouais. Il mourra pas. Il sera pas discontinué, là. Non. C'est pas grave. Bon. Fait qu'on se quitte avec le prochain hit de Jay-Z, Floor in the Floor. Floor in the Floor, Floor in the Floor, Floor in the Floor. Tu peux peut-être le contacter. Il aimerait peut-être avoir ta proposition. On va essayer. On va essayer de trouver son numéro. Face aujourd'hui. Un jour, je l'aurai. Ah, ouais, ouais. Je vais mettre mon monde là-dessus, je vais mettre le stagiaire là-dessus. Là. Ah, écris à Jay-Z, là. Pousse ouais, les affaires. Je veux featurer. Je veux. Pas dur, là. Prendre 30 secondes, c'est fait. Copie-colle le message, là. Envoie ça à toute sa gang, là. Puis go. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Tiens, une cliente qui affirme avoir trouvé une vis dans son Big Mac. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, la pauvre cliente. Eh bien oui. Donc, un repas qu'elle a commencé chez elle avant de découvrir après quelques bouchées. Donc, selon ses déclarations, une vis dans son Big Mac. Cette femme, donc, affirme avoir tenté de joindre le fast-food par téléphone en vain. Dimanche matin, la cliente s'est rendue, donc, au McDo pour signaler la mauvaise surprise de la veille. Et puis, donc, je la cite, ils nous ont fait alors visiter les cuisines où j'ai pu voir les mêmes vis, donc, qui équipaient tous les postes, a expliqué au journal. Elle a expliqué ça. Donc, la cliente qui a alors l'impression que sa parole est mise en doute. Lundi, elle a fait aussi, donc, elle a signalé l'incident par courrier à la direction départementale de la protection des populations. On sait, on est en France, hein, ici. Ouais. Elle souhaite ainsi que le gérant du McDo comprenne que ce n'était pas un canular. Je la cite, je suis prête à tout t'entendre, mais je suis très confiante, donc, de la façon dont on travaille, même si le risque zéro n'existe pas. Mais j'entends de voir que cette personne veut vraiment quelles sont ses intentions. Et pour sa part, il a indiqué ça au journal, le gérant de l'enseigne de la zone d'activité de Salvaza. C'est un cas, sûrement une commune, je ne sais pas. Tout à fait. Donc, le manager du fast-food, quant à lui, dit avoir vérifié tous les toasters ou les grills et affirme qu'il ne manquait aucune vis. Hein? Bon, donc, d'où provient-elle? Je ne sais pas. La rédaction du journal a contacté le groupe McDonald's et répond seulement, sans plus de précision, qu'une enquête interne est en cours et que depuis qu'elle a commencé, aucun problème n'a été constaté et que cette enquête suit son cours et que McDonald's est extrêmement attentif et vigilant. En quoi consiste cette enquête? Sur quel point précis porte-t-elle? Combien de temps va-t-elle durer? Quelle réponse le groupe compte-t-il apporter à cette cliente? Autant de questions pour l'heure qui restent sans réponse. Ouais, bon, ben, hein, on sait que ça peut arriver parfois des accidents dans des restaurants. Sinon, on sait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui rêveraient d'intenter une poursuite à une chaîne de restaurants pour s'en mettre plein les poches. Donc, surtout une chaîne du genre. Oui, exactement. Donc, faut rester prudent. Mais on faut croire aussi. La dame a autant de chance qu'elle a dit vrai, là. Exactement. Le même Et nombre. Faut croire autant un que l'autre. Faut, dans les deux cas, je pense qu'il faut leur laisser, le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, sauf qu'en même temps, faut laisser l'enquête suivre son cours. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Donc, on va vous en donner des nouvelles et peut-être que bientôt, on verra l'apparition du McVis au menu des restaurants McDonald's. McBolt. il vole 21 000 euros en petites pièces dans une fontaine à souhait. Ah oui. Ah, je pensais pas que c'était du vol. C'est drôle que tu en parles parce que je pensais à ça. Ben oui, c'est du vol. Hier ou avant-hier, je me disais, hey, dans les centres d'achat, là, tu pointe avec un scraper, là, puis tu ramasses de la monnaie, t'es riche. puis je me disais, je pourrais faire ça de ma vie. Au lieu, je veux dire, d'aller travailler pour un patron, là, okay. Faire du squeegee. Ouais, mais dis pas aux auditeurs que je fais du squeegee. Ok, je le dis pas, Ouais, au lieu d'aller faire du profit à un patron, je me dis, je pourrais être mon propre patron. Puis ramasser ton argent dans les fontaines à souhait. Exactement, mais par exemple, je savais pas que tu payais pour un souhait. Ça, c'est la nuance que j'aimerais apporter. Ben oui, tu payes pour un souhait. Ah, ben là. tu te payes du bonheur. Donc, depuis 8 ans, les enfants souhaitent que leurs vœux soient exaucés et jetaient des pièces dans une certaine fontaine. Les voleurs, donc, ont escaladé une clôture dans la nuit du dimanche au lundi et ont utilisé un tuyau pour vidanger le puits de la fontaine profonde de quand même 2,5 mètres. C'est okay. Une fontaine, là. Tu sais, c'est pas une petite fontaine, justement, d'un pied d'eau, là. Non, exactement. Donc, ils ont ainsi raflé plus de 21 000 euros en petites pièces. Les gens qui ont commis ce crime particulièrement égoïste ont un cœur de pierre, a commenté donc le directeur du Ferry Park, Gary Mayer, et de rajouter que les enfants passaient par là et faisaient des vœux. Il y avait des souhaits qui leur venaient du fond du cœur. La police est à la recherche de personnes essayant d'écouter un grand nombre de petites découler pardon, un grand nombre de petites pièces de monnaie. Et vous, vous est-il déjà arrivé de lancer une pièce et de souhaiter quelque chose? Oui, naturellement. Je pense pas que... Je veux dire, ils ont un cœur de pierre, blablabla. C'est des voleurs comme les autres, là. Rendu là, ouais. C'est le directeur du parc qui nous fait du violon. Ben, là, c'est sûr que le directeur du parc, il a mieux les ramasser pour les mettre dans les coffres du parc. Ben là, exactement. C'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils soient ramassés, ces pièces-là. Tout le monde prêche pour sa paroisse, au fond. Tout à fait. Un peu spécial. Et puis, on va y aller avec une petite dernière. Tiens, une pour toi. Une publicité Top Spin 4. Jugé trop sexy pour être diffusé. Trop sexy. Ça peut pas être trop sexy. Ben voyons donc. Donc, si cette publicité ne passera pas à la télévision, elle devrait néanmoins rapidement faire le tour du web. Alors que Top Spin 4 vient de sortir sur la PlayStation, l'éditeur 2K Sport aurait refusé de proposer un spot publicitaire à la télévision américaine car il l'aurait jugé trop indécent. Dans celui-ci, on peut voir Serena Williams, une inconnue, ben oui, habillée avec des tenues pour le moins provocantes en train de jouer de manière sexy via le PS Move. La publicité est montrée d'une telle façon qu'elle mélange des images des joueuses dans des poses avantageuses avec des séquences du jeu vidéo lui-même. Le tout est accompagné par une bande son pleine de râles évocateurs très sexy. Ce spot pour Top Spin 4 ne devrait donc jamais être diffusé à la télévision. En revanche, il est probable qu'il cartonne, sur la toile. Et puis dans quelques instants, on va vous le mettre sur la page Facebook du Dîner de cons. Oui, on sait que les publicités interdites à la télévision connaissent beaucoup de succès sur Internet. C'est quasiment une seconde vie pour ces publicités refusées. Tout à fait. Maintenant, on va y aller avec la formation Gatineau qu'on aime tellement. Et puis, hier, comme je vous parlais, Gatineau qui nous présente sur le dessus, c'est Claude François. Eh bien oui, après nos recherches, on est bien sûr, c'est un masque de Claude François, chanteur populaire des années 70 en France. Ah, bon, je ne connaissais pas M. François. Oui, donc c'est ça. On parle de lui, de même dans la pièce Karaoke King. Maintenant, on va aller écouter, par contre, la pièce L'Élastique. Hein. On sait, dans les années 70, les filles jouaient à l'élastique. Jouer à l'élastique, c'est quoi ça? C'est quoi jouer à l'élastique? C'est pas se passer une espèce de boulet en dessous d'une jambe? Non, les filles, mettons, sont un face de l'autre, comme moi pis toi. Ouais. Et puis, ils ont un élastique dans les jambes. Puis là, il y avait une fille entre les deux qui faisait des genres de chorégraphies, de pauses, de tourner les pieds dans l'élastique. Ça te dit rien? Ah, ouais, non, j'ai jamais assisté. J'ai jamais eu le privilège. J'ai l'air vieux, là. Hein? Ben non, parce que c'est le genre de jeu, tu sais, que je suis capable d'imaginer, mais je veux dire, les demoiselles... C'est un peu comme la corde à danser. Ouais, mais c'est ça, les demoiselles ont toujours eu ce genre d'occupation-là durant leur jeunesse, tandis que les petits gars jouent aux figurines, mais en même temps, de nos jours, c'est plus nécessairement le cas. Là, on sait qu'il y a une espèce d'éclatement des valeurs traditionnelles à ce niveau-là, et c'est tant mieux comme ça, mais sinon, il reste que dans notre image mentale, on voit plus les filles jouer à l'élastique, puis à l'espèce de bolo, je sais pas trop, puis... Les gars, jouent au G.I. Joe, ouais, carrément, c'est tapé. Kick la cacane. Kick la cacane, c'était le fun. Des affaires de même. Hein? Oui, exactement. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. La chronique, c'est un fait, c'est celle des choses véridiques, véritables et vérifiables ici à Assemblage requis. Donc, François, tu m'aideras à juger si c'est intéressant ou pas. Commençons par Harper's Index qui nous dit que 25 millions de dollars est dépensé chaque année sur des lap dances, donc des danses à 10. Là. C'est le prix, est-ce qu'il a monté avec l'inflation? Je sais pas. À Las Vegas, par année, 25 millions de dollars. Juste à Las Vegas? Juste à Las Vegas. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Un étudiant collégien chinois a réussi à mémoriser 67 890 chiffres dans pi. C'est le pi, là, 3 points... 67 890, ça a l'air impossible, je sais, mais c'est un homme de 24 ans, Lou, the human calculator, ciao! On peut comprendre, oui, calculatrice humaine, qui a réussi à accomplir cette chose en 2006. Il a fait ça en 24 heures, 4 secondes. Vu que Guinness ne permet pas de pause plus longue que 15 secondes entre chaque chiffre. Ce qui est encore plus épeurant, c'est que Lou voulait réciter encore plus de... En fait, c'est des nombres, des chiffres. J'ai tout le temps de la misère à différencier entre les chiffres et les nombres en bas d'un certain... En tout cas, bref, vous savez ce que je veux dire. Oh, oui. Il dit qu'il a mémorisé 100 000 chiffres au total et qu'il voulait en réciter 91 300. Par contre, au chiffre numéro 67 891, il a accidentellement dit 5 au lieu de 0. Donc, il a fait une erreur au 67 891e chiffre de pi. L'ancien record était tenu par une personne japonaise qui avait 10 pi jusqu'au 42 195e en 1995. Lou dit que c'est encore plus approprié qu'il ait réussi parce que c'est un mathématicien chinois qui avait originellement découvert le ratio entre la circonférence d'un cercle et son diamètre, là, ce qui est le pi. Il a commencé à mémoriser les chiffres de pi en 2004 et a passé 10 heures par jour, François-Olivier, à pratiquer pendant ses vacances d'été cette année-là. 10 heures par jour. Chao est tellement bon pour mémoriser des choses que l'université, les gens qui travaillent à son université, ont dit qu'il pouvait mémoriser un chiffre de 100. Un nombre de 100 chiffres ou un chiffre de 100... Non, ça doit être un nombre de 100 chiffres, je pense. Ouais. En tout cas, en dedans de 10 minutes. C'est quelque chose. C'est beaucoup, beaucoup de bonne mémoire, beaucoup de temps à perdre aussi. Ben, c'est ça qui arrive, là. C'est ça qui arrive à un moment donné, là. Ça ne sert pas à grand-chose, hein. Non. Une voiture complète a été construite à partir de pâte à modeler. Play-Doh. Pour célébrer le lancement de sa nouvelle Chevy Orlando Sedan au Royaume-Uni, Chevrolet a construit une réplique d'un véhicule en Play-Doh dans les rues de Londres. Le projet est inspiré par un sondage récent que Chevy a conduit et qui disait que Play-Doh était au sommet de la liste des jouets nostalgiques préférés des Britanniques. Ça a pris 8 fabricants de modèles et presque 2 semaines et 1,68 tonnes de pâte à modeler Play-Doh pour sculpter ce gros véhicule couleur... À quoi, si on veut. C'est un genre de bleu pâle, bleu ciel presque. Il y a une photo sur le site sur assemblagerequipe.com. C'est environ 10 000 pots de pâte à modeler et presque 10 000 $ en valeur de pâte à modeler pour faire cette voiture-là. C'est quelque chose. En fait, je suis en train de dire que le lien va être sur assemblagerequipe.com dans quelques secondes à peine. Attends, si je peux même y aller en direct comme ça, le mettre parce que je veux vraiment que vous alliez le voir en même temps que moi. Sur assemblagerequipe.com, cliquez sur les notes de l'émission d'aujourd'hui, du mercredi 23 mars. Et là, ça devrait être là dans... Là. Ça va être là. OK. Donc ensuite, parlons de Barbie et Ken. On avait parlé dans une chronique récemment, ici, à C'est un fait, que Barbie et Ken étaient séparés. Oui, et puis t'avais énuméré aussi les occupations de Barbie. Là. Exactement, j'avais fait plein de choses sur Barbie. Et bien là, on a une nouvelle mise à jour. Là, Barbie et Ken sont de retour ensemble. Non. C'est vrai, moi j'étais pas au courant. Là, je vous en parle parce que je l'ai appris. Ça fait quelques semaines déjà qu'ils sont revenus ensemble. On dit, sauf si vous faisiez vraiment attention au sujet, vous n'avez peut-être pas réalisé comment c'était une grosse affaire, cette affaire de publicité-là pour Barbie. Ken avait acheté, entre guillemets, des panneaux publicitaires à New York et à Los Angeles pour prouver son amour. Pas vrai. Pour la Barbie, oui, c'est vrai. Ses messages disaient « Barbie, tu es la seule poupée pour moi. Et Barbie, nous sommes peut-être faits de plastique, mais notre amour est réel. » Et si vous portiez vraiment attention encore plus, vous avez peut-être remarqué Ken qui a fait un check-in sur Foursquare. Tu sais, Foursquare, c'est un peu comme Facebook Places où tu peux dire où tu es rendu. Mettons, t'es à la chasse-galerie, tu vas te check-inner là. Te check-in, en tout cas, bref. Te check-in, mettons, pour dire que t'es là. C'est ça, mais comment ça fonctionne? Dès que tu rentres, ça check-in automatiquement? Je ne suis pas tout à fait familier avec la façon de faire parce que je trouve ça complètement absurde. Là. Mais je crois qu'il faut peut-être que t'ailles cocher que t'es là ou je sais pas. Ça, je sais vraiment pas. Je suis là. En fait, si je savais ça, je me sentirais encore plus mal. Je trouve ça vraiment un loser. Mais non, mais sans blague, quand c'est rendu que sur Facebook Places, il y a comme 600 personnes qui sont check-in à l'université sur 10 000 étudiants, c'est quand même, ça commence à être pas mal de gens qui se check-in à l'université. Oui, tout à fait. C'est un peu ridicule. Mais bref, bon, Ken s'est check-in sur Foursquare à la New York's Magnolia Bakery, une place où ils font des petites pâtisseries, des petits cupcakes, etc. Donc, il avait acheté des cupcakes pour sa Barbie. Et les deux ont commencé à flirter sur Facebook. Ils ont même mis à jour leur statut de relation sur Facebook, Ken et Barbie. Ils sont de retour ensemble officiellement. Yay! Ouais! On est tous très heureux pour eux. Félicitations. La plus longue, la plus large piscine du monde, ou la plus longue, je pense qu'on peut dire plus longue, c'est 3324 pieds de long. Okay. Pour une piscine. Elle est énorme. Ça commence à être long, hein? Un peu. Si tu veux faire des longueurs, là, bonne chance. C'est au San Alfonso del Mar Resort à Algarrobo, au Chili. 66 millions de gallons d'eau et 20 fois plus longue qu'une piscine olympique. C'était complété en décembre 2006. Ce lagon d'eau salée a pris 5 ans et 1,6 milliard de dollars à construire. Ça a été reconnu par le livre des records Guinness comme la plus large piscine du monde. Large, longue, peu importe, mais ça dit « largest pool ». Bref, ça utilise un système de filtre par ordinateur pour faire circuler l'eau de l'océan Pacifique dans la piscine et ensuite la faire ressortir dans l'océan. Donc, c'est vraiment un cycle comme ça de saleté et de gens qui se lavent pas avant d'aller dedans, puis ça va dans le trou. Malgré le fait que l'eau est réchauffée par le soleil seulement, maintenir ou en tout cas entretenir cette grande piscine coûte environ 3,2 millions de dollars par année. Par année. Peut-être justement pour les systèmes de filtration, pour les saletés. Oh, ouais. C'est un peu dégueulasse, ça. Savais-tu que le ketchup de McDonald's peut être utilisé pour nettoyer les scènes? Ah ouais. Ah, ben c'est tout à fait vrai. Tu me dis, bon, peut-être que la sauce épicée pourrait le faire, mais non, du ketchup aussi. Du ketchup aussi, ça prend pas n'importe quoi. Ça prend en fait n'importe quoi chez McDo et de la sauce, j'imagine, mais bon. La recherche dit que du ketchup et de la sauce épicée peuvent être utilisés pour nettoyer des scènes de cuir. Ces condiments n'ont pas nécessairement besoin d'être de chez McDonald's ni de chez n'importe quel autre restaurant. Okay, du ketchup, tout simplement. Juste du ketchup, exactement. Et c'est même pas obligé de contenir des tomates ou des épices. En tant que tel, tu vas me dire, mais je comprends rien de ce que tu veux dire. Le secret, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est du vinaigre et du sel de table. That's c'est ça qui est fou. That's all, comme ils disent. La combinaison de sel et de vinaigre permet à l'oxyde de cuivre sur un cent d'être défait et converti en, je traduis les termes complètement de façon inappropriée, la chlorure de cuivre, parce que je crois que chloride, c'est chlorure, mais en tout cas, chloride de cuivre, mettons, peu importe, c'est ce qui nettoie le cent. Donc, si vous voulez voir les explications et la chimie derrière cette réaction-là, allez voir l'article sur assemblagerequis.com. Mais essayez du ketchup, des scents. Je ne sais pas ce que ça va vous donner vraiment de nettoyer vos scents, parce que je veux dire, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est une très bonne question, mais Pas tout à fait certain que ça sert. Non. Continuons avec les policiers, les pompiers même de Pittsburgh qui ont répondu à un appel téléphonique du George Washington Hotel. Ils se sont rendus là-bas. Ils ont trouvé quelque chose d'inattendu, une pièce couverte de sang. Donc, ils ont rapidement, eux, appelé la police locale et le chef J.R. Blith a dit que la scène était la scène de meurtre la plus horrible. Incroyable. Ouais, c'est ça. Ça lui pétait les plombs dans la tête, là, genre. Qu'il n'avait jamais vu en 35 ans dans la police. Et donc, il a appelé plusieurs détectives. Ils ont passé 8 heures à travailler sur la scène de crime jusqu'à ce qu'ils réalisent que le morceau de peau et le sang étaient faux. Pourquoi? Parce que la pièce avait été utilisée pour un film d'horreur côté B, là, tu sais, genre un film d'horreur cheap, là, avec Corey Haim. Tu te rappelles de Corey Haim? Il a fait une télé-réalité récemment avec Corey, l'autre Corey Hart, je pense. Hein? Deux Coreys. Bref. C'était 2 ans avant. Donc, le New Terminal Hotel, c'était le nom du film. C'était allé directement sur DVD. Donc, c'était pas un gros film. C'est pour ça qu'on dit côté B. Mais le propriétaire de l'hôtel avait laissé la pièce pareil comme elle était parce qu'il était pas certain si les gars allaient revenir continuer leur film. Il savait pas s'il avait terminé. Donc, il a laissé ça comme ça. Il s'est dit, je prendrais pas de chance. Mais finalement, ça a causé plus de troubles que d'autres choses. Mais c'était quand même bien fait. Ben, apparemment, hein. C'est pour des enquêteurs, là, qui envoient pratiquement tous les jours. Oui. Pour un film qui est sorti sur DVD, ils ont réussi à faire quelque chose de pas pire, de la fausse peau, là. Ouais. C'est bien. Ouais, bref, c'est ça. Je crois qu'il y a, une vidéo de ça. En tout cas, je vois une vidéo. Je sais pas si on peut cliquer dessus. En tout cas, bref, il y a des sources et des explications sur assemblagerequis.com. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste 2 derniers. Allons-y rapidement. Tu connais Evel Knievel? Oui, le cascadeur étoile. Je sais pas, une étoile fracassée, peut-être qu'il y a quelques branches de son étoile. Mais justement, il a brisé plusieurs os de son corps. En fait, plus que n'importe quelle autre personne au monde. Certains disaient que Evel Knievel avait brisé chaque os de son corps, mais ce n'est pas vrai. Il a essayé, par contre, de le faire, on dirait. Il a essayé. Parce que Evel a le record Guinness avec 35 os brisés, des os brisés, dont toutes ses côtes, ses deux bras, son nez et même l'os de son fessier. Oh! J'imagine ses jambes aussi, là. Ça doit rentrer. Probablement que ça rentre là-dedans. À cause de toutes ses blessures, Evel Knievel a dû passer 36 mois à l'hôpital pendant toute sa carrière. Oh boy! Hey boy! Et on termine avec l'histoire d'un adolescent qui est allé faire un vol avec ses amis et qui a tué 3 poissons rouges parce qu'il voulait pas laisser de témoin. Wow! Trois poissons rouges. Oh, c'est pas si c'est vraiment parce qu'il voulait. Ouais, c'est ça, là. Mais racontons l'histoire. Donc, le garçon de 16 ans de Arlington Heights, en Illinois, est entré dans un complexe d'appartements avec une paire d'amis. Donc, ils étaient 3, une c'est ça? Une paire d'amis. Une paire d'amis, c'est bien dit. En février. Et donc, le terrible trio a choisi cet endroit-là parce qu'il avait été évacué à cause d'un feu un mois avant. Donc, l'appartement était vide. Les articles, ils ont volé des systèmes de jeux vidéo avec 30 jeux, un lecteur CD, 30 DVD, un BB gun, c'est les petits fusils. Des bijoux et un coffre-fort. Les amis de 16 ans, dans le fond, ont reçu l'accusation de vol résidentiel. Là. Mais l'enfant est allé encore plus loin en faisant de la cruauté aux animaux. Alors que les 3 quittaient l'appartement, le gars a versé du ketchup, de la moutarde et de la sauce épicée et d'autres épices même dans l'aquarium de l'appartement. La police a réussi à retrouver des articles volés dans des pawn shops de la place, mais tristement, les 3 poissons rouges ont dû être envoyés dans les toilettes. À la morgue. à la morgue pour poissons. Et c'est triste. Wow, belle histoire. Ça finit de même. Tu m'imites. Mais c'est bizarre que, en fait, là, si je reviens à ton histoire, c'est bizarre que les poissons rouges étaient là et l'appartement était vide. Ouais, c'est ça. Je sais pas si les propriétaires se foutaient un petit peu des poissons. Mais ça aussi, ça pourrait rentrer dans la cruauté, mais bon. Peut-être aussi, en effet, parce que si ça avait été leur chien ou leur chat, ils l'auraient amené. Des poissons. C'est ça. Qui mal, de toute façon, ils vont m'en réparer. J'ai pas eu le temps. Ceux qui se sont dit, j'imagine, mais pourquoi t'as des poissons là-bas? Un poisson rouge, c'est particulièrement résistant. Ah oui! Oh oui, tout à fait. Je savais pas ça. Tout à fait. Eh ben, un autre fait à ajouter dans la chronique, c'est un fait. Merci, François. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Si t'aimes ça quand ça rote? Ah oui, tout à fait. Et maintenant, le segment de cuisse de Charles-André. Et oui, c'est l'heure de mon segment de cuisse. Et aujourd'hui, mon segment de cuisse, Danny, il va rocker pas à peu près. Bon, on sait que les mardis, je laisse de côté la chronique du rock alphabétique, étant donné que je parle d'un film qui traite de la culture. À savoir rock. Et là, aujourd'hui, j'en ai amené un rock pas à peu près. Il s'agit du film Rockstar, mettant en vedette Mark Wahlberg. Un film que j'avais quelques réticences à écouter après ma barre, étant donné que je trouvais que ça avait l'air un peu... bon, ben moi, tu sais que j'aime quand même beaucoup le métal des années 80. Je suis attaché à la culture heavy metal et j'avais peur que ça soit un peu trop cliché, un peu trop parodisiaque, même si j'invente le mot. Et puis non, finalement, ça m'a beaucoup plu. C'est une comédie dramatique de Stephen Erek. C'est paru en 2001. En fait, le personnage principal, le protagoniste, est nommé Chris Cole. C'est un fan du groupe heavy metal Steel Dragon. Une fois ses journées de travail terminées, il assouvit pleinement sa passion en jouant dans le groupe rock qu'il a créé en hommage à ses idoles. Et le groupe rock est nommé, dans le fond, par une des chansons du groupe. Comme si, par exemple, moi je faisais un groupe hommage à Led Zeppelin et mon groupe s'appelait Stairway to Heaven. Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est un classique. C'est un classique dans les groupes hommages. Et donc, alors, l'ambiance du groupe se dégrade peu à peu. Chris reçoit une offre du guitariste de Steel Dragon pour remplacer le chanteur du groupe. Commence alors pour Chris une nouvelle vie, loin de la monotonie où l'argent, la drogue, les filles, la fête prennent une place à part entière aux dépens de l'amitié de ses copains. C'est-tu là-dedans que le chanteur, le vrai chanteur, il est homosexuel? Oui, exactement. Bobby Beers, le chanteur de Steel Dragon, est homosexuel et il n'a même pas les vrais beaux cheveux longs qu'on lui voit sur la tête. C'est une perruque, c'est une moumoute. Et ça donne lieu à une scène qui est très drôle, qui est très, très intéressante et un peu grinçante. Dérange, malaise. Oui, exactement. Et il y a un peu un lien qui est fait entre Steel Dragon et le groupe Judas Priest. Oui. Dans la mesure où est-ce que ce film est inspiré d'une anecdote qui est celle de Tim Ripper Owens, qui était fan de Judas Priest. Et alors, au cours d'un concert de Judas Priest, le chanteur a eu un malaise et ils ont fait monter sur scène un des fans du groupe. Parce qu'il chantait toutes les tunes. Puis, ben, ils ont fait, je sais pas s'ils l'ont fait monter au hasard ou quoi que ce soit, mais il était probablement en avant, il avait l'air de connaître toutes les paroles. Et finalement, il a très bien chanté la pièce. Il a fait la job. Oui, The Ripper, qui est une des pièces très connues de Judas Priest. Une pièce que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui vient de leur second album, Sad Wing of Destiny. Et il l'a exécuté, là, ma foi, à la perfection, même au dire de certains mieux que le chanteur de Judas Priest. Et d'où lui vient le surnom de Ripper. Donc, étant donné la pièce de Ripper. Donc, Tim de Ripper Owen, qui aujourd'hui mène une brillante carrière de chanteur rock, oui, au sein de la formation Eisturt, avec nul autre que John Schaffer à la guitare. Et ils ont vraiment un franc succès. Et je veux dire, l'ancien chanteur de cette formation-là était aussi un grand vocaliste. Donc, il est aujourd'hui considéré comme un des plus grands vocalistes rock de notre époque. Et son histoire a commencé comme fan. C'est hot. Oui, c'est vraiment une belle histoire. Drôle. Et c'est digne d'un film de Hollywood. Et c'est donc un film qui est une initiative, et ça, j'ai été surpris, de George Clooney. Ah oui? Je savais pas que George Clooney rockait à ce point-là. Et puis, c'est un film qui est de son initiative. Je pense que d'ailleurs, en financé en partie le projet. Et ce film-là, et puis donc, il y a Bobby Beers qu'on parlait, qui déclare son homosexualité dans une scène assez cocasse et grinçante du film. Eh bien, tout le monde à cette heure le sait à peu près, le chanteur de Judas Priest est homosexuel. Donc, il y a un autre lien, un second lien qui est fait. Mais à peu près tous les clichés des groupes de métal des années 80 sont là-dedans. Peut-être pas autant que dans Spinal Tap, mais quand même, c'est assez bien réussi. J'ai vu des analogies avec Van Halen qui sont assez claires, merci. Sinon, avec Motley Crue aussi et tous ces genres de groupes là, de glam metal. Et ça m'a beaucoup plu, il faut que je l'avoue. Sinon, comme tout fan de groupe rock, je veux dire, c'est un espèce de fantasme de remplacer un de ses musiciens préférés et de jouer avec ses idoles, même si au bout du compte, étant donné que moi, personnellement, j'ai ma propre formation de musique, j'ai plus rien à faire des autres groupes sur la terre, je joue dans le band le plus hot au monde. Mais quand même, un assez beau fantasme là, qui est mis en scène dans ce film-là. Et sinon, si on parle de Steel Dragon, qui est le groupe fictif qui a été créé pour le film. Pour ce film-là, oui. Moi, je dirais qu'il a été fortement influencé du groupe Steelheart, dont le chanteur exécute la voix de Mark Wahlberg. C'est pas Mark Wahlberg qui fait ses propres parties de vocale. Okay. C'est le chanteur du groupe Steelheart. Et il y a une des chansons de Steel Dragon qui est empruntée à Steelheart. Une excellente chanson d'ailleurs. Et le nom est semblable aussi. Et il y a aussi, à son premier concert, Chris Cole, le protagoniste du film, a un accident. Il tombe de la structure sur le stage. Et une assez bonne hauteur quand même. Il est un peu sonné. Puis tu te demande s'il va être capable de continuer le concert. Eh bien, à peu près 2 ans après avoir signé leur premier contrat de disque en spectacle, le chanteur de Steelheart a essayé d'escalader une colonne qui était pas sécurisée de façon appropriée et ça lui est tombé dessus. Ça pesait à peu près 2 tonnes. Il y a eu une fracture de la joue, de la colonne et tout. Et puis, ça leur avait pris là, à peu près 10 ans réussir à décrocher un contrat de disque et c'est pour ça qu'ils avaient choisi le nom Steelheart. Et puis, à peu près 2 ans après, il arrive cet accident-là. Le chanteur a été hospitalisé et puis ils se sont reformés, mais pas avec les mêmes musiciens. Ça n'a jamais remarché. Ben oui, ça a remarché, mais la vague du glam metal était passée. On était rendu dans le grunge au moment où ça s'est reformé. Donc, après ça, bon, il y a eu le film Rockstar en 2001 qu'ils ont remis au devant de la scène. Et puis, en studio, le chanteur a extrêmement bien performé. Puis, il chante certaines chansons du film live. Je trouve que live, il a plus tout à fait la même voix qu'avant son accident, là. Okay. Même si, je veux dire, ça reste un excellent vocaliste. Je sais pas si c'est des manques de préparation avant spectacle, là, mais il y a quelque chose là qui manque. Ça paraît, là. Ouais, exactement. Et ça, c'est un peu triste. Il y a cependant la personne qui exécute la voix du chanteur original qui est homosexuel, Bobby Beers. Il s'appelle Jeff Scott Soto. Et ce gars-là a une voix, ma foi, extraordinaire. Je vous invite à aller sur le tube découvrir ses vidéos et voir quand il interprète live les chansons du film, qu'est-ce que ça donne. C'est beaucoup plus intéressant que Steelheart, okay. Si vous voulez mon avis. Et sinon, il y a quand même, c'est un super groupe, même si c'est un groupe fictif, Steel Dragon, dans la mesure où ils ont pris à la guitare Zakk Wylde, guitariste émérite qui a d'ailleurs travaillé avec Ozzy Osbourne. Ils ont pris le bassiste Jeff Pilson, bassiste de Foreigner quand même, okay. Pas rien. Jason Bonham, le fils de John Bonham. Donc c'est un super groupe qui a été constitué pour le film et la trame sonore est assez agréable à écouter, même s'il y a quelques titres dessus qui sont moins intéressants. Et j'ai amené cette trame sonore là ici. Oui. On va écouter la deuxième pièce et puis on s'en reparle tout de suite après. Comment qu'elle s'appelle? On s'en reparle tout de suite après. Profitez-en, restez sur les ondes du 89.1. Ça rock! Yeah, la pièce Living the Life tirée de l'excellente trame sonore du film Rockstar paru en 2001 et mettant en vedette Mark Wahlberg que je viens de vous présenter. Un autre film traitant de la culture rock et celui-là l'était tout à fait, oui. Merci Charles-André Lambert. Ça me fait extrêmement plaisir, Danny Janvier. C'est bien intéressant, puis ça m'a rappelé quand j'ai vu ce film-là, j'avais trouvé bien divertissant. Oui, c'est un bon divertissement. On peut pas dire, on peut pas le qualifier de chef-d'œuvre, mais par exemple, vous allez passer un bon moment à l'écouter. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Allô! Salut Maxime! Bonjour, bonjour! Salut les gars! Ça va? Ça va très bien! Très bien! À la place de parler de tes vêtements, moi j'aimerais mieux parler de tes cheveux. Très belle coupe de cheveux. Ils sont bien placés, ils sont beaux. Ben merci. Colin, c'est rare qu'on voit ça, une coupe de cheveux chez Maxime Lemieux-Laramé. On dirait que... Chez Maxime Lemieux-Laramé. Mais on dirait qu'ils sont toujours pareils depuis comme plein d'années. Fait que tu les fais couper au bon moment. T'sais, contrairement à moi où je me fais couper les cheveux, ils sont beaux pendant deux semaines. Puis j'attends six mois avant de les refaire couper. Wow, ils sont beaux pendant deux semaines. Ils sont corrects, ils sont fraîchement coupés, mettons, pendant deux semaines. Mes amis, des fois, ils me disent « Maxime avec une coupe de cheveux. » Incroyable. En tout cas. En tout cas. C'est réussi. Donc, t'es avec nous pour Télécharge quoi? Tu nous présentes toujours trois découvertes musicales que tu as fait pendant la semaine. Oui, c'est ça. Puis là, je voulais peut-être mettre un terme. Je voulais parler pour une dernière fois du nouvel album de The Strokes. Ah, OK. Qui est sorti hier. Je pense que c'est la troisième pièce que je présente. Ouais. Mais j'avais vraiment hâte. Là, The Strokes faisait un retour là, après leur troisième album. Ça faisait déjà 5 ans qu'ils n'avaient pas eu l'album. Puis moi, je suis bien content. J'ai écouté l'album. Il était disponible sur leur site web. L'album? Ouais, tout l'album. C'était gratuit. Là, on pouvait l'écouter en... Est-ce qu'il y a un terme pour streaming? Non. En français, ouais. Oui, mais je le connais pas par cœur. En fait, je préfère les oublier de ma... Tu sais, les flusher complètement. Ouais. Parce que ces mots-là sont tellement absurdes. On pouvait l'écouter gratuitement sur le site de The Strokes. Puis j'ai vraiment écouté... beaucoup en boucle, là, je dirais. Il y a 10 chansons, puis je dirais que j'ai entendu l'album peut-être une dizaine de fois aussi. Moi, j'ai vraiment aimé. J'ai vu des critiques qui étaient vraiment mitigées. Sur Pitchfork, on a donné un 5.9 sur 10. Moi, The Strokes, tu sais, c'est vraiment mon band. Ça a été mon premier band de rock que j'ai aimé avec Is This It en 2001. C'est là que j'ai commencé à vraiment apprécier leur style musical. Puis aujourd'hui, je voulais présenter la pièce que j'aime le plus de l'album Angles. C'est Taken for a Fool. Je trouve que c'est la meilleure pièce de l'album. Là. C'est une chanson épique, tant qu'à moi. Épique. C'est bien. Grandiose. D'accord. Ben, est-ce qu'on va l'écouter tout de suite? Ouais. Bon, ben la voici. Assemblage requis sur C'est fou. Everybody hanging on for- Alors, c'était The Strokes avec Taken for a Fool de leur plus récent album Angles, que je suggère. 10 pièces diversifiées et très agréables. J'aime ça. Oui. Ouais, cette pièce-là, là, moi, en tout cas, je l'écoute souvent puis je l'aime beaucoup. Moi, en tout cas, là. Moi, en tout cas, là. Moi, je la trouve bonne, fait que vous autres, là, je m'en fous. Moi, en tout cas, là. En fait, je m'en fous pas du tout. Non. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que tu veux les commentaires des gens? Est-ce qu'ils peuvent, mettons, t'écrire sur la page Facebook d'Assemblage Requis? Oui, oui, oui. Si vous voulez, honnêtement, allez-y, ça me ferait plaisir. Mais des fois, j'ai des commentaires d'amis, collègues qui me disent « Ah, j'ai bien aimé ça, ça, aujourd'hui, j'ai bien aimé ça. » Mais vous aussi, tu sais, moi... J'écoute pas mal de musique tout seul sur Internet. Je la partage ici à l'émission, mais c'est rare que j'en écoute tellement, j'en gobe tellement que c'est difficile d'en parler avec tout le monde puis d'en discuter avec tout le monde. Mais j'aime bien ça quand vous faites des rétroactions sur mes propositions. D'accord. On cool. va prendre ça en considération et te ouais, complimenter encore plus parce que t'en as besoin. Non, j'ai pas besoin. Non, mais si vous aimez pas ça, j'aime ça aussi, mais... OK. C'est le fun d'avoir l'opinion des autres là, quant à la musique. Alors, je voulais parler de Crystal Stilts, un groupe qui, à ma surprise, vient de New York. Non, on rit un peu, mais en fait, je trouve qu'il y a un son vraiment anglais. Là. Je trouve que ça sonne un peu Britpop, Britrockpop. Mm-hmm. C'est ça, puis même la voix du chanteur, là, l'accent du chanteur, je trouve que ça fait un peu anglais, là, selon moi. Est-ce que c'est wannabe anglais un peu? Genre, je sais pas. Ça être anglais, donc je sais pas, je connais ça à peine. C'est leur deuxième album. Puis moi, le premier qui date de 2008, A Light of Night, j'avais plus ou moins embarqué. Il y avait comme peut-être la moitié des pièces que je trouvais écoutables, puis l'autre moitié, j'avais un peu de difficulté. Mais là, leur prochain album, In Love with Oblivion. Oblivion. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, Oblivion? Je sais ce que ça veut dire. J'ai de la misère à mettre un mot dessus. Okay. Ben, je t'en viendrai après. Ouais, on verra. Ouais. Oblivion, c'est une des premières fois que j'entends ça. Ouais. Donc, l'album va sortir le 12 avril prochain. Et puis, la pièce que j'ai choisie, c'est Shake the Shackles. Shackles ou Shackles? Shackles, non. Un autre mot que j'ai jamais prononcé. Shackles, mais... c'est quelque chose qui lie tes mains, mettons. T'as vraiment, je suis dans mes bilingues. Ouais, j'ai de la misère à dire les mots dessus, mais je sais que le concept, je le connais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le mot, là. Donc, c'est ça. On va l'écouter Crystal Stilts avec Shake the Shackles. Est-ce qu'on shake nos shackles pendant ce temps-là? Yes! OK, on se shake ça à Assemblage Requis au 89.1 FM. C'est la chronique télécharge quoi? Ah. Quoi? Ah, oh, ouais. Quoi? Avec Maxime Lemieux-Laramé. Qui, ça? Télécharge qui? T'es supposé jouer, par exemple. T'es supposé jouer en ce moment, là. Ouais, mais t'avais joué avec ton son tantôt. Du tout. Veux-tu moi jouer avec ton son? Non. C'est bon. C'était Crystal Stilts avec la pièce Shake the Shackles de leur prochain album In Love with Oblivion. Oblivion. Mais c'est comme le néant, ouais, là, c'est mot mystérieux. Comme quelque chose d'oublié. On dit relégué aux oubliettes un peu sur les traductions internet. Là. Moi, je dirais plus le néant, le rien. C'est fini, c'est détruit. Ça n'existe plus. Okay. Comme à Fort Boyard. En tout cas. Ça existe encore, non? Oh, ouais. Ouf. Mais tu sais, quand t'envoies quelqu'un dans le cachot, là. Ah, okay, sauf que là, lui, il ressort. Hein? Ou comme dans le film, là, dans le dernier film de Leonardo DiCaprio, là, Inception. Là. Ouais, j'ai pas vu. Là, hein? Pas de spoilers ici. Là, je veux pas avoir de punch. Là. Ok, j'ai rien dit. C'est ça. Mais déjà, tu m'as laissé un indice si ça parle d'Oblivion. Là. Ben là. Je t'en veux déjà. Là. Si t'as vu la bande-annonce, ouais, c'est de quoi je parle. Si t'as vu la bande-annonce de la plupart des films, t'as vu une bonne partie. Moi, j'adore les bandes-annonces. Ah oui, pour vrai? J'adore ça, honnêtement. Tu regardes que ça, pas le film? Non, mais c'est drôle parce que j'aime bien ça au cinéma, regarder les bandes-annonces. Oui. Puis souvent, vous savez, sur la télé, là, on peut aller commander des films. Sur la vidéo sur demande, ouais, le Cogeco, etc. On peut aussi voir le preview avant de le commander. Oui. Pardon, la bande-annonce avant de le... Puis je passe des fois une demi-heure à regarder les bandes-annonces des films, tu sais, pour faire un choix éclairé. C'est quand même 6$ là, louer un film télé. Hein. Pas, quand même, hein? Quand même 6$ là, je veux dire. Mais t'as pas 2 heures de travail. Mais t'as pas frais de retard. Non, c'est ça. De retard, t'as pas besoin de te lever. Ouais, mais t'as pas l'ambiance du cinéma, t'as pas le popcorn, t'as pas la liqueur et ça coûte presque aussi cher qu'un billet de cinéma. C'est vrai. Oh, mais ça quand tu écoutes ton film là, en couple, ouais. Ça te revient à 3$ chaque. C'est sûr. Tout un deal. C'est sûr. En tout cas. T'es bon vendeur. Tu devrais aller travailler c'est là. Ça. Je devrais travailler chez Cogeco. C'est ça. Donc, finalement, tu seras plus un chroniqueur à l'émission, juste pour te dire sinon. OK, sans blague, donc ton troisième choix dans. Ouais, troisième et dernier choix, un groupe de Seattle, Fleet Foxes, que j'avais beaucoup apprécié avec leur premier album homonyme et qui sortent un deuxième album prochainement. Le 3 mai. Ça va être presque l'été, là, le 3 mai. Hein? Oui, presque. Ça arrive bientôt. Oui. J'ai bien hâte. Pas loin des élections. Ah! Référence politique. Ah, ça, c'est plate. C'est plate. Oh, désolé. Ah, c'est ça. J'ai déjà commencé à mettre des... pas des rendez-vous, là, mais des trucs à mon agenda au mois de mai. Là, j'étais découragé. Sortir en speedo, non? De quoi? Ben, je sais pas. Pas des rencontres, mais des choses à me rappeler pour le mois de mai à mon agenda. Ouais. Je trouve que ça arrive vite en tabarouette. Tant mieux. Ouais, tant mieux. C'est vrai, l'été, c'est agréable. C'est plaisant. Oui. L'été, c'est pêché, comme disait Francine Ruel. Ah, j'ai sorti mes références. Hein, c'est Radio-Canada, je pense, en 2004, quelque chose du genre. Bon, donc, troisième choix. Oui, c'est ça. Alors, l'album de Fleet Foxes, qui s'intitule Helplessness Blues, qui va être, c'est ça, le 3 mai. Alors, j'ai choisi la pièce Battery Kinsey. Cette pièce-là, je pense que c'est un lien Stéréogum que je t'ai envoyé, Mathieu. Donc, c'est ça, je l'ai trouvé sur le site web Stéréogum. Je pense que c'est un extrait d'une autre émission de radio. Ah. Bref, on entend bien la pièce de Fleet Foxes. C'est live? Ouais. Je vous avertis tout de suite, là, c'est peut-être pas dans le même registre que les deux autres pièces qu'on a fait jouer. C'est un peu calme d'habitude, Fleet Foxes. Ouais, c'est un peu folk, un peu... Mais c'est pas très calme, je pense. Non, non. C'est un peu différent. Bon, on l'écoute. Vous êtes averti. C'est doux. I came to you. C'est très Simon and Garfunkel, je trouve. C'est toute année 70, je trouve. Mm-hmm. Hein, Mathieu? Oui, tout à fait. Bon. Dit-il en essayant de ne pas faire entendre la voix de l'animateur radio. Non, mais ça disait que la première avait été hier à la radio Radio 1. Ouais. Avec Zane Lowe. Zane Lowe. Zane Lowe. The Zane Lowe's Show. Ça, c'est un nom d'animateur radio. Ah, c'est sûr, c'est pas son vrai nom. I'm Zane Lowe. À moins que ses parents soient vraiment excentriques, là, puis... Ça se peut, ça aussi. Peut-être que c'est... Son père, c'est peut-être Rob Lowe, tu sais, l'acteur, là, Rob Lowe. Là. Peut-être. Non? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être. Alors, c'était Battery Kinsey, pièce de Fleet Foxes, qui va paraître sur leur prochain album, Helplessness Blues. Ah, c'est ça, ça donne dans le blues aussi, un peu folk blues. Mm-hmm. Cet album-là va être disponible dès le 3 mai prochain. C'est pas mal ça, là, pour l'information que j'avais à vous dire sur Fleet Foxes. C'est super. C'est bien assez. C'est bien assez. Tu trouves pas, François? Oh, fait. Tout à fait. Ça va faire. Ouais, ça va faire, là, un moment donné. Ça va faire votant, hein? Voyons. Maxime, le meilleur ami avec sa collègue télécharge, quoi? Yes, sir. Merci, coach. Ouais. De rien, les enfants. On va aller faire nos setups, nos devoirs. Nos devoirs, c'est ça. C'est ça. Mangez vos protéines. Merci, des shakes. Ouais, manger des shakes. Des shakes de shackles? Yeah. Shake de shackles. Uh-huh. OK, salut. Bye. Salut. Salut. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Donc, on parle ici d'un colon géant installé en plein Paris. Oh, le maudit colon. Donc, c'est à l'occasion du mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Ah, c'est de ce colon-là qu'on parle, naturellement. Ben oui, un colon géant a été placé sur le parvis de la gare Montparnasse depuis le 22 mars, depuis hier, et jusqu'au 24 mars. Donc, un deux jours, ce tunnel gonflable long de 22 mètres. C'est hein? quand même un c'est immense... C'est tout un colon. Oh oui. Imagine ce qui peut sortir de là. Aïe, aïe, aïe. Et qui a permis une modélisation donc en 3D d'un colon humain. On peut y voir les polypes bénins responsables de ce type de cancer. Et petits polypes qui sont pas intéressants à voir dans non, le colon. J'imagine que non, je connais pas les polypes. Moi, j'ai déjà visité mon colon, Charles-André, savais-tu ça? Ah oui? Ben oui. C'est une expérience qui doit être assez particulière. Hein? Oui, c'est assez particulier. Assez particulier comme expérience. Ben, veux-tu des détails? Ben oui, quelques-uns, genre. Ben, ça reste dans quelle occasion? Ben oui, ça reste dans l'acceptable. Inquiétez-vous pas, oui, ça reste médical. J'avais eu un empoisonnement alimentaire. Ah, tu m'en avais déjà parlé, tu avais goûté à des... des genres de fèves. Des fèves là, sauvages, oui. Mais il n'avait pas été proprement apprêté. Ben c'est qu'ils étaient crus, je les ai mangés crus comme ça. Ah, puis il faut... Et puis, ben c'est ça, il y a plusieurs fèves, plusieurs légumineuses qui doivent être cuits avant d'être ingérées. Sinon, crues, elles peuvent provoquer. Ben j'imagine que manger des pois crus, ça doit pas être extrêmement facile à digérer. Ben ça à dépend, la base. Moi, des petits pois verts, il n'y a pas de problème. Là, OK. Mais, des fèves, il ne faut pas. Et puis, ben c'est ça, je me suis retrouvé à l'hôpital. Aïe, aïe, aïe. Et d'une maladie, vraiment, c'est la pire. On dirait que tu es en train de mourir, un empoisonnement alimentaire. Ça sort des deux bouts, si on peut le dire. Oui, oui, oui. Et puis, c'est ça. Donc, finalement, à la fin de ce séjour à l'hôpital, eh bien, on m'a fait une petite colonoscopie ou je sais pas quoi. OK. Et puis, ben on m'a invité à regarder la télé. Et donc, ça devait être assez spécial. Ben c'est étrange, mais c'était bien, c'était correct. Dans le sens, c'est tout est rose. Il me disait que j'avais un très beau colon et que en bonne santé, que tout était très beau, très propre. Ben, c'est toujours le fun à se faire dire. Hey, Danny, t'as un beau colon. Pas, mais moi, j'ai déjà passé une échographie. Pour vrai? Ben oui, puis c'est pas parce que j'étais enceinte. Non, t'étais enceinte. Comment ça? Ben, en fait, j'avais commencé à avoir des vertiges. Okay. Et puis, les médecins ne trouvaient pas la cause. Finalement, on a fini par conclure que c'était une labyrinthite. C'est une okay. inflammation de l'oreille interne qui est le centre de l'équilibre. Donc, c'est ce qui expliquait pourquoi les j'étais vertiges. Désorienté, tout à fait. Mais à un certain moment, ça, j'étais stressé à cause de ces vertiges-là. Puis, ça me donnait des palpitations cardiaques. Ouais, un genre de crise de panique, finalement. Exactement. Fait que là, j'étais inquiet. Fait que j'ai été passer un électrocardiogramme. électrocardiogramme, puis après ça, là, les résultats étaient, bon, je veux dire, étaient quand même acceptables, sauf qu'on voulait creuser un peu la question. Donc, ils m'ont fait passer une échographie cardiaque. Et c'est quand même assez spécial, parce que là, t'es assis dans une chaise, puis à côté de toi, il y a une télé, là, juste à côté de toi, puis tu vois ton cœur battre, mais tu le sens en même temps, puis tu le vois, puis c'est pas comme un cœur en dessin animé, là, tout... non, il y a toutes sortes de genres de flagelles qui lèvent, puis qui... Ouais, des valvules, des ventricules. Puis... Ça bouge, ça fait toutes sortes de mouvements. Des belles projections vidéo dans un show, par exemple. Ah ouais, pour vrai, là, c'est vraiment spécial. Puis la qualité de l'image est quand même assez bonne. Donc, Moi aussi, le truc, la colonoscopie, c'était de qualité vraiment exceptionnelle. Donc, quand même assez spécial comme expérience. On vous parle de nos petits bobos ce matin au dîner de cons. Donc, si on revient à ce colon géant, eh bien, c'est le ministère de la Santé et de l'Assurance maladie donc, qui s'associe depuis 4 ans pour sensibiliser et organiser des dépistages de, bien sûr, cette maladie, le cancer du côlon. Un dépistage tous les 2 ans à partir de 50 ans augmente considérablement les chances de traiter tôt la maladie et de la guérir, justifie donc le docteur François Marchand-Butin. Au journal. Il peut contribuer aussi à éviter des traitements lourds et permettre d'éviter le déclenchement de la maladie en enlevant les polypes avant qu'ils ne dégénèrent. ADK 75, qui est une organisation de dépistage du cancer, souhaite qu'au moins 50% des 50-74 ans se fassent dépister chaque année. Et si on y parvient, on estime qu'en 10 ans, cela permettra une baisse de 20% de la mortalité liée à ce type de cancer. Bon, mais ça serait bien ça, parce qu'on sait que toute forme de cancer est assez difficile à vivre. Non, moi, ma maman est morte de ça. Ah, c'est très triste parce que tout le monde connaît quelqu'un qui est décédé. Exactement. Du cancer. Exactement. Ouais. Et moi, c'est en particulier du côlon que ça avait commencé. Bon, c'est malheureux. Fait qu'on est vraiment dans l'article. Maintenant, on va changer de sujet. On va y aller un peu plus drôle. C'est en images. Je vous invite à visiter la page Facebook du Dîner de Con. Mais dans 2 secondes, parce que j'ai pas eu le temps d'aller mettre le lien. Je peux pas tout faire ici, déjà qu'on fait tout. C'est « Quand les geeks cuisinent ». Quand les geeks cuisinent. Ben bon, oui, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça donne. Ben oui, on savait que les geeks passionnés d'informatique sont férus, bien sûr, d'univers fantastique et de jeux vidéo. Maintenant, on a la preuve que les geeks s'intéressent aussi à la cuisine. Exit le mythe, du mec qui pose seulement sa pizza sur son clavier ou, comme tu disais tantôt, ses burritos congelés. Eh bien, seulement les geeks ne font pas simplement la cuisine. Ils mélangent toutes leurs passions et ça donne une série de gâteaux délirants qui souvent ressemblent moins à des gâteaux qu'à leur héros favori. Donc, on voit les images. C'est des petits cupcakes, là, okay. Avec genre le symbole de Xbox 360 ou une manette en crémage. Ah, c'est quand même cool. Ben oui, c'est intéressant. C'est tout à fait inutile, mais bon. Connais-tu, Danny, excuse-moi de t'interrompre, mais connais-tu Epic Mealtime? Epic, ah oui, je pense que oui. C'est lui qui avait fait un egg roll, là, gros comme ça, je pense. Ouais, ben probablement. Moi, la vidéo que j'ai vue d'eux autres, Danny, là, ils prennent à peu près 50 sortes de viandes différentes, là, canard inclus, là, tu sais quoi. Puis ben moi, il faisait ce que avec je ça, ils stuffent une dinde, OK? Une grosse dinde, là, qui recouvre de plein de tranches de bacon. Toute la dinde est recouverte de tranches de bacon. Puis avec la dinde, ils stuffent un cochon. Le cochon est lui-même recouvert de tranches de bacon, puis il envoie tout ça au méchoui. C'est vraiment comme des grosses bouffes, là. Maintenant, ils font un déjeuner, c'est gargantuesque, puis c'est drôle, mais tu sais, c'est limite entre donner faim puis donner mal de cœur. Ouais, exactement. Mais moi, ce que je t'explique, c'est un peu la même chose. C'est les mêmes gars. C'est des gars de Montréal, hein, qui font ça en plus. Je sais pas si tu savais, moi, c'est la gang. Ils ont fait un egg roll, OK? Avec tout ce qu'il y a dans un buffet chinois, mais dans l'egg roll. Ah ouais? Fait que les dumplings, il y a de tout. Puis dans un immense egg roll qui font frire ensuite à l'huile. Ben, ça doit être la même c'est gang. C'est la même gang. Ouais, je suis pas mal certain. Ouais, mais c'est quand même cool comme concept parce qu'après, ils mangent puis ça a l'air vraiment bon. Ben oui, ça a l'air bon, mais sauf qu'il faut que tu manges ça à la gang. À plusieurs. Ouais, mais tu vois qu'ils invitent du monde, ça fait des parties. Ben, c'est correct. D'un sens, moi, j'ai rien contre les trips de bouffe, d'un sens que, dans la mesure où rien est gaspillé, tu sais quoi. Oh, oui. Tu sais, comme quand ils font, là, on entend souvent parler du monde qui font des trucs en chocolat. Oh, c'est oui. Bien à la mode, les chocolatiers, ils font un truc immense en chocolat. Quand après ça, il y a plein d'enfants qui se garochent dessus et qui mangent ça, c'est le plus merveilleux. Exactement. Ben, on avait eu, t'étais pas là, mais à l'occasion du Super Bowl, là, Nicolas Ducharme, notre spécialiste ici en sport, oui. Était venu nous montrer une recette là, à partir de bacon puis de saucisses. Là. C'était assez hallucinant, un genre de panier de bacon, tu sais, des tranches tressées. Là. OK. Et avec là-dedans, il y avait de la saucisse genre défaite, là, tu sais, pas de peau. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça faisait un pain de viande incroyablement gras. Ah, ben d'après moi, ça tomberait dans mes cordes. Ça tomberait dans tes cordes, je pense. Oui. Donc, ben c'est ça, les geeks qui cuisinent. Si on veut, tantôt, si on a du temps, on pourra aller voir parce qu'il y a tout un diaporama là, avec plusieurs recettes. Ben oui. On sait les diaporamas, on aime ça ici. Tout on va aller les regarder tantôt. Mais bon, c'est pour ça que j'ai pas donné plus de détails. On va rester, pardon, dans le monde des geeks. On va aller parler de Star Wars. Oh yeah, là tu vas me plaire avec Star Wars. Une école de Jedi au Chili. Ça, c'est quand même assez hot, merci, hein, parce que, je veux dire, je sais pas si tu le sais, Danny, mais il existe une religion basée ben sur oui, Star Wars, puis elle a assez d'adeptes pour être une religion officielle, donc il y a des gens qui pensent que, je veux dire, George Lucas a eu une espèce de révélation malgré lui en créant son œuvre, là, puis que c'est la vérité la plus crue. Oh, mais gars, Elron Hubbard a bien inventé la scientologie quand il était seulement un auteur de science-fiction. Ah oui, je savais pas. Ben oui, c'est un auteur de science-fiction qui, tout d'un coup, s'est révélé gourou. Mais tu sais, de ce point de vue-là, on pourrait presque croire en n'importe quoi. Ben, tout à fait. C'est en plein ça. Donc, je vous parle de cette école de Jedi au Chili. C'est dans le village de Kipiwe, situé à Santiago, au Chili. Une école de Jedi s'apprête à ouvrir ses portes. Les cours seront assurés par le professeur de Taekwondo, William Berueta, dont le rêve est de combiner sa discipline et son amour pour la saga Star Wars. L'idée a germé dans sa tête après avoir vu la venue de l'exposition Star Wars dans son pays. Moi, je l'ai vu en Belgique en 2008. Oui, chanceux. En 2005. Aujourd'hui, M. Berueta est fin prêt à enseigner un programme qui transformera de jeunes fans des films de George Lucas en parfaits guerriers Jedi. Cet enseignement d'un nouveau genre et d'une durée de 3 mois est composé de cours d'autodéfense, de valeurs morales et d'un apprentissage de mode de vie sain. Les cours seront accessibles aux enfants âgés entre 6 et 12 ans qui apprendront également le yoga et la méditation. Très bien pour des enfants de cet âge-là, je trouve. Oui. Durant cette période, les enfants apprendront aussi les techniques de relaxation afin qu'ils puissent se concentrer, améliorer leur flexibilité et leur mobilité afin de comprendre leur corps. Les enfants qui suivront ces cours devront s'habiller comme des Jedi en enfilant des vêtements se rapprochant des anciens kimonos japonais et travailleront entre autres avec des sortes de sabres que leur professeur aura mis au point lui-même. Très intéressant. Une petite précision, un kimono, c'est une tenue de soirée pour une dame japonaise. Fait que ils se sont peut-être trompés en écrivant l'article. C'est mon professeur de karaté au cégep qui m'avait appris ça. Mais par exemple, j'ai pas la prétention de connaître le juste mot qui mais remplace le kimono. Mot. On dit kimono. Le mot kimono est accepté, mais je trouve que c'est drôle de le souligner. Tout à fait. Et puis tiens, on va y aller avec une dernière ici. On s'en va ailleurs. Hein. Une divinité, Maya vendue 3 millions d'euros qui se révèle être un faux. Ça, c'est un peu plate. Oui, tout à fait. Ça se passe lundi dernier à l'hôtel des ventes de Drouot à Paris. C'est une statue de la divinité Maya, donc censée appartenir à la période classique tardive, soit 550 à 950 après G.C. et a été achetée par le gouvernement mexicain pour 3 millions d'euros seulement le lendemain. Le ministère mexicain des Affaires étrangères s'est associé à l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique pour expliquer que la pièce était en fait très, très récente. Et pourquoi ils l'ont acheté? Ils l'ont pas fait certifier, en tout cas. La pièce attribuée à la culture maya et qui a atteint un prix record en vente aux enchères est une pièce de fabrication récente, car elle n'appartient à aucune des cultures préhispaniques du Mexique. La figure tente de reconstituer les traits propres à des représentations préhispaniques élaborées dans la zone maya, du Mexique. Toutefois, tant la hauteur, 165,5 cm, que la posture avec les jambes fléchies et les lanières qui tiennent la chaussure ne sont pas caractéristiques de cette culture. Et après examen de la statue, mais il y aurait pu l'examiner avant de l'acheter. Oui, c'est certain. J'y trouve un petit peu cave. Mais rendu là, j'imagine qu'ils ont pris pour acquis que c'est un vrai. Là. Ben oui, à 3 millions, tu sais, j'achèterais pas un faux. Après examen de la statue, l'INHA a expliqué que si la statue présentait bien des signes d'érosion, il s'agissait là d'une manœuvre pour donner à la statue l'air ancienne. On apprend ça là, dans nos premiers cours en art plastique, faire vieillir des choses. C'est la plus niaiseuse des affaires. La statue de la divinité Maya vendue lundi appartenait auparavant à la collection privée de l'industriel suisse Henry Law. Et le prix de vente de la statue Maya, frais compris, s'est élevé à 2,9 millions. Et le gouvernement mexicain n'a pas encore fait savoir s'il allait demander le remboursement de la somme. Moi, je leur dis, allez-y, faites-vous rembourser si vous pouvez. C'est drôle parce qu'à la base, le Suisse qui l'a vendu, c'était probablement lui-même. Il s'était fait fourrer, lui aussi. Oui, exactement. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu plate. Mais bon, c'est la vie à savoir. Une histoire assez cocasse. À savoir qui le premier s'est fait fourrer. Ah ben là, on le sait pas. Ben le premier à l'avoir acheté, puis celui-là qui l'a fabriqué, ben lui, c'est un petit fin finaux, d'après moi. Tout à fait. Hey, je vous envoie une petite nouvelle. Je pense que vous allez être bien contents. C'est mes amis des betteraves hurlantes qui m'ont fait découvrir un site Internet que je vous partage à l'instant. Ça s'appelle Stereo Mood. C'est vraiment magnifique. Je vous ai déjà parlé de Groove Shark. Oui. Groove Shark, qui est un système de streaming, d'écoute en ligne, hein, si on est mieux. Oui. Donc, on peut... Je vais parler de Groove Shark, là, juste pour montrer le principe. Je sais pas, moi, tu veux écouter du Billie Holly and the Comets. Eh bien, t'écris ça, puis tu vas trouver ta pièce. Tu veux écouter en du bonne qualité. Ben, quand même en bonne qualité, oui. Pis tout en streaming. Et puis, il y a vraiment de tous les genres, même des trucs assez obscurs. OK. Peut-être moins des trucs québécois, là. Je te dis pas que... peut-être qu'on trouvera pas... des trucs québécois, mais tu sais, tu vas trouver, c'est sûr, cœur de pirate, genre. OK, ben j'écoute pas vraiment de québécois, pour être honnête, de toute façon. J'aimerais en écouter plus. Bon, mais sauf que, là, je veux vous parler de stereomood.com, qui est un peu le même principe, mais au lieu de partir avec des groupes, tu pars avec des moods. OK. Donc, si tu te sens party aujourd'hui, oui. Ben, il y a un mood party, tu mets « let's party », tu cliques là-dessus, puis il te fait une playlist de tunes de party. Ah, ouais. Tu te sens calme ou tu te sens chill, il va te faire une playlist de tunes chill. Puis magnifique. Est-ce que les moods sont vraiment spécifiques ou c'est très général? Ils sont assez spécifiques, sérieusement. Comme là, moi, j'ai mis, justement, c'est Let's Party. Et puis, il m'a sorti quelques pièces. Tantôt, on va aller écouter du Motorhead. Ah oui, ouais. Ben oui, on va aller écouter du Motorhead. Pas tout de suite, là. Parce que je suis rendu à la lettre M de la chronique du rock alphabétique. Et bon, mais tantôt, on va aller en écouter. Mais il y a de tout. Juste pour te dire comme ça, il y avait une pièce de MGMT. Dans le mood party. OK. Donc, ça mélange vraiment les genres. Il y a du Caravan Palace. Je connais pas Caravan Palace. Ben, tu sais, j'en ai déjà fait jouer ici. C'est du genre de jazz manouche avec l'électro. Ah oui, c'était bien ça, c'était c'est bien. Vraiment. Oh, oui. Mais tu sais, il y en a, puis c'est français de France, ça. OK. Il y en a dans le Let's Party. Donc, c'est vraiment un très, très bon site Internet. Je vous invite à le découvrir. C'est stereomood.com. Stereomood. Fait que t'as même, tu te fais une playlist, c'est lui qui s'occupe. Puis tu sais, ce que tu veux pas qu'il joue, il joue pas. Mais exactement. Il propose plein de pièces que t'aurais même pas pensé, ou même il t'en fait découvrir. Ben, c'est parfait, ça. Merci de la suggestion. Danny, je vais aller faire un tour. Oui, ça vaut la peine. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Alors, direct par téléphone, on reçoit Karim Ouellette. Bonjour. Bonjour. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Très bien, toi? Ben oui, merci. Merci d'être avec nous à l'émission. Est-ce que tu peux nous parler pour commencer un petit peu de ton histoire, Karim Ouellette, s'il te plaît? Ben écoute, musicien depuis presque l'enfance. J'ai commencé à jouer de la guitare quand j'avais 10-11 ans. Écoute, j'ai commencé à jouer des affaires comme du rock un peu. J'écoutais beaucoup de Nirvana, Metallica, Dire Straits, des affaires de même. Puis de fil en aiguille, l'intérêt vers la musique a commencé à monter beaucoup. Puis là, j'en fais professionnellement depuis les 4-5 dernières années. Et j'ai sorti un album il y a maintenant presque un mois et demi. Donc le 1er février, un album qui s'appelle Plume et qui est disponible partout en magasin. Et puis, on sait que tu as fait beaucoup de collaborations aussi dans le domaine du rap. Oui. Et puis, en fait, le Karim Ouellette, quand on écoute ton album, on voit vraiment pas l'influence du rap. Je sais pas, en fait, si tu peux nous expliquer peut-être ce détachement ou... Ben, en fait, c'est pas très compliqué. Moi, depuis que je fais de la musique, je touche à pas mal tout, tu sais, parce que j'écoute beaucoup de styles musicaux différents. J'aime autant l'électro que le reggae, le rock, le hip-hop. Et puis, moi, j'imagine qu'on me connaît plus pour le rap parce que les projets auxquels j'ai participé, qui sont sortis en magasin, qui ont donné des vidéoclips, etc., des articles à la télé, des tunes à la radio, ben, ça a été les projets plutôt rap, plutôt hip-hop. Mais lorsque j'ai décidé de faire un album solo, ben, les styles que j'ai préféré mettre de l'avant, mais ça a été ceux qu'on entend sur mon album, c'est-à-dire reggae, rock, des petites influences d'électro à des places, beaucoup de folk aussi. Fait que moi, spontanément, c'est vers ces styles-là que je suis allé, tout simplement. OK, OK. Mm-hmm. Tu viens nous parler un petit peu de ton album qui est sorti le 1er février, Plume, et là, tu parlais du style musical qu'il y a dans cet album-là, mais côté sujet, les textes de cet album-là, ça parle de quoi, Plume? Ça parle beaucoup d'amour, Plume. Puis ça a été très spontané comme choix dans les sujets parce que c'est un album qui a été composé pas mal au fur et à mesure de son enregistrement. Moi, je suis rentré en studio, puis j'avais 2 tunes de composer, pas plus que ça. Puis je me suis dit que j'allais aller vraiment au fur et à mesure, puis d'y aller comme ça me tente, sans aucune barrière, puis voir à la fin ce que ça allait donner. Fait qu'au fur et à mesure des tunes, ben j'allais plutôt vers ce sujet-là. Puis, regarde, c'était pas très, très prévu, comme je te dis. Puis, moi, puis les deux gars avec qui j'ai travaillé pour faire cet album-là, ben, on a décidé d'aller jusqu'au bout de ce sujet-là, voir ce que ça allait donner. Donc, voilà pourquoi. Parfait, c'est ça. Tu nous as parlé de 2 autres personnes, en fait, avec qui tu as travaillé sur l'album, mais tu as participé quand même à toute la conception, là. Paroles, chansons, musique, mixage aussi. Ouais, ben exact. Moi, les tunes, la façon que je les composais, c'est que ça commençait avec guitare-voix, puis j'inventais les arrangements, disons, un petit peu dans ma tête. Puis là, en revenant en studio, ben, je jasais avec mes co-réalisateurs pour voir où est-ce qu'on pouvait amener ça. Puis chacun, on jouait plusieurs instruments aussi. T'sais, on a été 3 à faire cet album-là, malgré le fait qu'il y ait de la batterie, de la basse, de la guitare, de la mandoline, de la contrebasse, des toutes sortes de percussions. Donc, on a été 3 à jouer de tous ces instruments-là, 3 à faire le mixage aussi. Fait que ça a été un travail d'une petite équipe, là, finalement. Mmh. La pièce Météore est sur le palmarès francophone de C'est fou en ce moment. Félicitations, bien sûr, qui a le privilège extraordinaire. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la pièce Météore? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Météore, c'est spécial, c'est une toune d'amour, mais très très très éclatée, puis inspirée de surnaturel un peu, parce que moi je suis un gros fan de tout ce qui est film de science-fiction, les bons films par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu moins bons, mais les bons films de science-fiction, j'aime beaucoup. Un vieux fan de X-Files aussi, fait que toutes ces affaires-là m'ont, ouais, toutes ces affaires-là ont été comme spontanément intégrées à cette toune-là. Que j'ai écrite assez rapidement à guitare-voix chez nous. Puis je suis allé en studio, on a fait Météore, et puis voilà un petit peu d'où ça vient. Okay. C'est cool. Et puis pour l'album, en fait, dans votre iPod, c'est quoi les artistes qu'on peut retrouver? En fait, c'est quoi vos influences là, présentement? Ok, ben je veux dire ce que j'écoute présentement dans mon iPod, ce qui est pas forcément mes influences, parce que tu vas voir que c'est assez différent. J'écoute beaucoup de dancehall, qui est de la musique jamaïcaine, avec des artistes comme Vibes Cartel, Busy Signal. Ça ressemble pas du tout à ce que je fais, mais c'est de la musique que j'aime beaucoup. Quoi d'autre? J'écoute un peu de Major Lazer, qui est un mélange de reggae puis d'électro. J'écoute du Serge Gainsbourg. Fait qu'on peut peut-être trouver quelques influences là-dedans. Même chose côté québécois, Marat Tremblay, Jérôme Minière, ça ressemble un petit peu plus à ce que je fais que ce que je viens de te nommer. Sinon, tellement d'affaires, là, ben Nirvana est toujours dans mon iPod. Même chose pour quoi d'autre? Nine Inch Nails, beaucoup de hip-hop américain comme Odd Future, That's Racist. Puis regarde, je pourrais continuer pendant une demi-heure, là, moi, ça est proche d'être plein. Là. Plus il y a de gigs, plus il y a d'artistes. Exactement. tu reviens du gros festival South by Southwest. Oui. Au Texas, Austin, Texas. Exactement. Bien ça. Comment ça s'est passé là-bas? Comment est-ce que les artistes québécois ont été reçus? Parce que c'était un feature de comme 4 groupes différents présentés par Envol et Macadam, c'est ça? Exactement, 4 groupes différents de Québec. Sinon, beaucoup d'artistes québécois de Montréal puis d'autres villes aussi. L'accueil a été super. Le public a bien réagi. On a donné des bons spectacles, puis ça a été toute une expérience. C'était vraiment fun de jouer devant ce public-là qui est a priori pas du tout le nôtre, mais la réaction a été super bonne. Fait que on vient ici avec beaucoup de contacts, beaucoup d'espoir pour la suite aussi. Fait qu'on est bien content. OK. Et puis, on sait que tu as sorti d'ailleurs un vidéoclip avec oui. La chanson Après tout. Ça vient de sortir, c'est tout chaud. Tu veux-tu nous en parler un peu? Après tout, c'est un vidéoclip que je me suis fait beaucoup, beaucoup de fun à faire avec mon ami réalisateur François Coulombe Giguère. C'est un vidéoclip, c'est très, très délirant. Il y a beaucoup, beaucoup de figurants qui sont tous des amis à moi ou presque. Le vidéoclip est sur YouTube, il est sur Musique Plus. On peut encore voter pour qu'il soit dans le top 5. Puis la toune Après tout, c'est la toune un petit peu plus rock'n'roll de l'album. La toune un petit peu plus joyeuse, si on veut. Fait que voilà, ça donne un vidéoclip bien le fun à faire, bien le fun à regarder, avec une ligne directrice très très mince, c'est-à-dire que ça part un petit peu de tous les côtés. Puis voilà, on s'est fait du fun, puis on espère que le monde aura autant de fun à l'écouter. J'en doute pas du tout. Théo, des 9 finalistes des Francs couverts de cette année. Ouais. D'ailleurs, bonne chance, parce qu'il va y avoir les prochaines rondes, c'est les lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 avril, qui vont déterminer dans le fond le top 3. Qui vont se rendre à la finale. Comment ça se passe avec les Francs couverts en ce moment? Ben écoute, ça s'est passé très bien parce que là, moi, j'étais classé quatrième dans le palmarès. Puis je pense qu'il y avait à peu près 23-24 bands quand même. Puis ça se passe à Montréal, au Lion d'Or. Puis ce qui est spécial avec les Francs couverts, c'est qu'en plus d'un jury, ben, il y a le public qui vote. Fait que c'est pour ça que je suis encore plus content d'avoir passé à la prochaine étape, puisque le public, a priori, ben, c'était pas tout à fait le mien. Et moi, lorsque j'ai joué au Lion d'Or, c'est le public des autres bands, beaucoup, qui venaient les encourager, puisque moi, je suis de Québec, et puis ça se passait à Montréal. Donc, pour la suite, ben écoute, ce que je compte faire, c'est bonifier le show, travailler encore plus fort pour donner un meilleur spectacle, puis me faire du fun sur scène, puis surtout espérer que le monde embarque, puis voilà, croiser les doigts, puis me faire du fun, ça, c'est gagné d'avance, parce que c'est vraiment le fun, les Francs couverts. Puis voilà. C'est tout. Moi, je joue le 13 avril pour ceux qui écoutent et qui seront dans la région de Montréal. Mais c'est ça, tu parles de spectacle. Il y en a-tu d'autres qui s'en viennent? C'est dans la région de Québec. Je vais en avoir une coupe au Cercle le 27 avril. L'été prochain, ça va être la tournée des festivals. À Trois-Rivières, on espère revenir au festival urbain. Donc, on fait un petit suivi là-dessus. Et puis, voilà, les shows commencent à se booker au compte-gouttes. Et puis, il suffit de me suivre un petit peu sur le web. Là, il y a karimouellette.ca pour toutes les dates de spectacle, ma page fan Facebook, même chose MySpace. Donc, les gens peuvent se tenir au courant facilement des prochains spectacles. C'est parfait. Karimouellette, on va se quitter avec une pièce de ton album Plume. Est-ce que tu as envie d'en choisir une et de nous en parler un petit peu? Ah, ben, n'importe laquelle. Ah, n'importe laquelle. Cool. C'est la première fois qu'on me demande ça. J'aimerais bien qu'on écoute en couleur. En couleur. En couleur, parce que c'est une des deux chansons reggae de cet album-là. Puis j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce style musical-là, le reggae. J'en écoute énormément. Je joue de la guitare dans un band de reggae aussi à Québec. On tourne un petit peu au Québec aussi. C'est un band qui s'appelle Prise d'Assaut. Et puis voilà, c'est un style musical que j'aime faire découvrir à tout le monde. Donc, si tu peux bien y aller avec En couleur. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut. Karim Ouellette en direct par téléphone. seuil. Qui peut t'en vouloir de boire ta douleur? Et même après le marché noir, tout va bien se passer mon œil. Mais qui peut m'en vouloir d'y croire quand tu n'as plus de peine de tâcher dans ton cœur en couleur? Je t'aime, le temps passe beaucoup. Ciel, il se casse le cou. Le temps passe beaucoup trop vite. C'est fou, vous, dans vos oreilles. De Karim Ouellet. Avant, c'était En couleur, deux pièces de l'album Plume, et on remercie évidemment Karim Ouellet pour sa présence à l'émission. Fort sympathique. Très apprécié. Enjoué. Enjoué. Oui, oui. Okay. On l'aime, c'est ça que ça veut dire. Oh, oui, tout à fait. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Sur ce, eh bien, on y va avec nos nouvelles tout à fait insolites. On va y aller avec les 10 causes de rupture les plus fréquentes. Oui, ça m'intéresse, mon Danny. Ben oui, on va y aller comme ça. Je vais partir parce que j'ai un site qui est mieux fait. On va y aller avec le bon site. Premièrement, très peu sont ceux qui n'ont jamais vécu de rupture. Ah oui, naturellement. Clair, hein? Partant de ce constat, eh bien, la version britannique du magazine féminin Cosmo a interrogé 1400 femmes pour connaître les raisons de leur dernière rupture. Et si certaines sont logiques et connues, d'autres sont néanmoins assez surprenantes. On va y aller avec la 10e position. L'odeur. Le sexe est l'une des causes de rupture les plus répandues. Ainsi, elles sont 15,7% à avoir rompu car leur partenaire n'était pas vraiment un étalon sous la couette. Ben ça, c'était prévisible dans les résultats. Oui. En 9e position, eh bien, les problèmes d'entente avec la famille et les amis de l'autre sont réhibitoires. OK. C'est un terme que je n'utilise pas souvent. Ben, en effet. Donc, elles sont réhibitoires pour 18,9% des femmes. Appréciez donc la belle-mère ou la meilleure copine. Peut donc être judicieux si vous voulez garder votre dulciné. Ben, naturellement, mais c'est ça, mieux. C'est un autre résultat assez prévisible. Assez prévisible. En 8e position, eh bien, un déménagement a causé la rupture d'un couple chez 20% des femmes interrogées. Et les relations à distance ne sont pas vraiment leur tasse de thé. Et ça, c'est clair, je ne crois en aucunement. Une relation à distance, ça vaut même pas une scène. Non, c'est clair, puis c'est déchirant. C'est impossible, d'avoir une fidélité. C'est impossible d'avoir confiance en l'autre, je l'ai déjà vécu, puis plus qu'une fois, puis c'est de la merde. C'est de la merde. Oui. On peut pas avoir des relations à distance, ça n'existe pas. Détrompez-vous si vous le croyez, ben vous vivez dans un conte de fées et Walt Disney c'est pour vous. La carrière en 7e position est quelque chose d'important pour certaines femmes. Et oui, ben oui, c'est les femmes qui ne pensent qu'à leur carrière à un tel point qu'elles supportent pas le fait que leur homme n'ait pas envie d'évoluer professionnellement. Pour 20,6% des femmes, et ce manque d'ambition est une cause de rupture, encore une cause complètement ridicule, mais bon. Ben, en même temps, c'est à l'image de notre société, n'est-ce pas? Oui, la société de performance! Oui, exactement, puis tu peux pas être bon dans plusieurs affaires, faut que tu sois le meilleur dans une affaire, mais ça tombe mal parce que, par exemple, il y a énormément de gens qui sont des généralistes, que je pourrais appeler. Ben, moi, je suis plus du type généraliste. Ben, moi aussi, ça donne, et puis finalement, on finit par se retrouver coincé, tagué à une discipline, je dirais. Oh oui. Et puis, c'est malheureux parce que ça fait des compétences qui se perdent, qui sont mal utilisées. Et puis, je comparerais ça à limite à un pays qui fait la culture juste de la canne à sucre tout le temps, par exemple, pour l'exportation. Exact. Ils vont finir par appauvrir la terre à force de toujours faire pousser la même plante qui demande toujours les mêmes ressources. Ils vont finir justement par appauvrir le sol. Et puis, si le marché a besoin de moins de canne à sucre, ce pays-là se retrouve dans la merde. Exactement. Ben, c'est la même chose pour l'individu. À concentrer un individu dans une seule chose, toujours, ben, ça appauvrit l'individu. Je suis en parfait accord avec ton propos, Charles-André. Vraiment, je le partage. En 6e position, eh bien, pour garder votre âme sœur, sachez, messieurs, conserver votre côté romantique en éveil. Ça, c'est bien. Oui, ça, c'est faux. Oui, non, mais dans le sens, si le gars il est rendu vraiment plate puis qu'il s'occupe jamais de sa blonde puis tout le temps, c'est une belle raison de rupture. Combine sur le divan à manger des céréales. C'est ça, puis il fout vraiment jamais rien, il va pas travailler, rien. Il joue aux jeux vidéo. Ça, c'est une raison peut-être qui est un peu turn-off, mais oui. Les autres, moi, la carrière puis les déménagements, je trouve ça ridicule. Mais bon, en tout cas. En 5e position, à égalité, à 21%, comme l'autre, eh bien, avec le romantisme vient le désir d'être célibataire. En effet, il n'y a pas que les hommes qui ont parfois envie de se retrouver libres et de draguer et de séduire comme bon leur semble. Les femmes aussi veulent pouvoir vivre seules lorsqu'elles en ont envie. Ben tiens, ça, si on s'assume, ben c'est une bonne raison. Hein? Tout à fait. Faut s'assumer, par exemple, mesdames. C'est logique. Faut s'assumer, faut pas faire à croire à l'autre qu'on veut toffer encore. Faut s'assumer, puis on quitte pour vrai. La franchise, c'est vraiment important. Exactement. En 4e position, eh bien, à force de dispute, ben là, j'espère. Hein, oui, ça, c'est logique. Hein. Si on est toujours en train de se pogner, à 29%, eh bien, elles ont conclu qu'elles n'étaient pas faites pour vivre avec leur compagnon alors parce qu'ils s'engueulaient tout le temps. Mais ça, c'est aussi une bonne raison. Je veux dire, si t'es pas capable de t'entendre, tu peux pas vivre de même. C'est pas très heureux. Exactement. En 3e position, une autre très importante, eh bien, c'est la confiance en quelque chose d'important pour une femme. La confiance est quelque chose d'important. Faut avoir confiance en l'autre. Oui, mais là, rendu là, je trouve que ça revient peut-être un peu souligner les autres qu'on a mentionnés avant. Ouais. Mais en tout cas, elles sont cette fois-ci 29,7% aussi. Donc, avoir déjà mis une fin à une relation parce qu'elles ne faisaient plus confiance à leur homme ou parce qu'il les avait leur avait menti. En deuxième position, eh bien, 36,6% des femmes ont rompu parce que leur conjoint a été infidèle. Ça aussi, ça vient rejoindre un peu la confiance. Oui, tout à fait. Donc, un résultat qui n'arrange pas la réputation des hommes, on le sait. Ah, blablabla. Et puis, bien, en première position, eh bien, cela peut paraître banal, mais le désamour arrive en tête de ce sondage. Quand on aime, on n'aime plus. Ben, ça arrive, ça. Puis, je veux dire, c'est aussi, normal. Ça aussi, hein, faut pas se forcer trop. À la base, l'amour, c'est une substance chimique qui circule dans le corps. Puis, s'il y en a plus, mais il y en a plus. C'est un peu comme le bonheur. Le bonheur, c'est la sérotonine qui circule dans l'organisme. Et puis, je veux dire, quand il y en a plus, ben, t'as le cafard. C'est ça, tu files pas. Exactement. Donc, ça, c'est une autre excellente raison. Mais on voit que les deuxième et troisième places sont occupées par des questions de confiance et de fidélité. Donc, c'est pas une question de l'amour, c'est vraiment une question souvent de confiance, de fidélité et de bonne entente. Oui, de bonne entente, c'est ça. Comme tu dis, parce que le côté fidélité, si tu as confiance en l'autre, ben ça se règle, etc. Exactement, exactement. Donc, à noter que parmi les réponses données, arrive en bonne position le fait que l'homme voulait passer à l'étape supérieure dans la relation, mais pas la femme. À l'inverse, est en revanche moins courant, 9,1%. Enfin, messieurs, ne soyez pas trop collants et ne regardez pas trop de films X, car certaines en font un motif de rupture. Donc, être trop fatigant, là, être vouloir trop être collé sur ta femme, ouais. ou le contraire, être un peu trop, tu t'en fous, ça marche pas. Faut être toujours avec les femmes bien dosées. Exactement. Merci pour le conseil. Au juste milieu. Au juste milieu, comme Zach nous le dit si bien. Donc, ça me fait penser qu'on pourrait peut-être avoir un chroniqueur qui nous fait des genres de trucs de drague. Ça pourrait être drôle. Ça serait très, très drôle. Ça serait très amusant. On pourrait peut-être trouver un professionnel du genre. Ben, en tout cas, l'année passée, on avait quand même une chroniqueuse sexe qui était vraiment le fun. Oui, ça aurait été le fun aussi. Là. Et puis, si vous nous entendez, si vous êtes férus du sujet, eh bien, proposez-vous. On prend les chroniqueurs encore. Hein? Tout à fait. Il nous reste encore un mois de programmation ici dans le Dîner de cons. Et puis, tantôt, on disait qu'on voulait rire. Eh bien, on va rire. Et puis, ça sera pas vulgaire. Non, pour une fois. Un peu. Un peu, mais... Parce que des fois, il dit « chier des arcs-en-ciel ». Ça, c'est-tu trop? Ben, dans le fond, la question est « c'est où la marge? » Et où la marge? Sur ce, ben, c'est ça. C'est les Denis de Relais que je vous présente. Et la pièce qu'on va aller écouter, eh bien, c'est la... Tiens, « Ampoule de Peter Pan », qui est complètement malade, cette pièce-là. On écoute ça tout de suite. Profitez-en, chers auditeurs, du Dîner de cons. Un cadeau sur un bœuf, des sangs sur ma brume, mes épaules en kimono, puis de la moutarde, des yellow, un village en mayonnaise, des cure d'asthmatique, un médecin qui me rend mal à l'aise, qui joue de la guitare électrique, 7-up qui bout de sang, deux cahiers Canada, un laitier dans le coma, un albinos en pyjama, un sali qui joue au dard, joue d'or, pédalo, un tête cassette, un pin à bruit, des bretelles, du même, du gel à cheveux. Une poule qui pleure, des ampoules de Peter Pan, on doit pas de face dans le même veston, en équilibre sur un avion, des chenilles qui dansent, des chaises roulantes, un bon vivier en mal, j'aurais besoin d'une coupe de claques, sa gueule botte, fête la liqueur, un chandail de guimauve grain, yes sir, des choux qui meurent, une coccinelle grosse comme un train. Des popsicles au Tylenol, du macaroni aux enfants, un curry sur un boss de coque qui échange son église contre des gants, des viandes froides en vacances, des maracas sans se soleil, une coupe de menuisier en temps, ils sont sur le bord de s'envoler, un cosmonaute handicapé, des cigarettes à limonade, l'épouvantail des douze coupées, c'est rempli en cassonade, un porte-monnaie sévère, la dynamite qui pue, un marin en colère qui rentre des poissons dans son cul. Une poule. Les ampoules de Peter Pan, on n'a pas de face à même veston, en équilibre sur un avion, des chenilles qui dansent, des chaises roulantes, des pompes et pyromanes, j'aurais besoin d'une coupe de claques, ça y a le bot, fête la liqueur, un chandail de guimauve grain, yes sir, des choux-fleurs, une coccinelle grosse comme un train. Chicken mocker, une game de bain sur ralenti, un coup de conscience, tout ce qu'on va. toi. Coudon, c'est toi le gars qui jouait dans chambre en ville. Ta face me dit quoi? Coudon, c'est toi le gars qui m'a déjà vendu du steak. Ta face me dit quoi? Coudon, as-tu déjà été ramassé des fraises à Victo en 82? C'est pas toi le gars qui a un petit singe sur le pouce. T'es pas un des deux gros jumeaux en vélo. T'es même pas le cousin de Jean-Claude Van Damme. Coudon, t'es qui? Ta face me dit quoi? Ta face me dit quoi? Coudon, c'est toi le gars qui jouait dans chambre en ville. Ta face me dit quoi? Coudon, c'est toi le gars qui m'a déjà vendu du steak. Ta face me dit quoi? Coudon, as-tu déjà été ramassé des fraises à Victo en 82? Pourrais-tu te mettre de profil? Pourrais-tu cacher la moitié de ta face avec ta main? Et il me semble que ça m'aidera à savoir t'es qui. Parce que ta face me dit quoi? Coudon, c'est toi le gars qui jouait dans chambre en ville. Ta face me dit quoi? Coudon, c'est toi le gars qui m'a déjà vendu du steak. Ta face me dit quoi? Coudon, as-tu déjà été ramassé des fraises à Victo en 82? Fait juste ressembler à un autre gars qui a gagné un concours de tir de tracteur à Sherbrooke. Ah, ben c'est pour ça que sa face, il disait de quoi? Magnifique, cette pièce-là. Ben, cet album-là est vraiment très, très bon. Victo Racing, des Chicken Swell. Et puis juste avant ça, eh bien, on a eu les Denis Drolet avec Ampoule de Peter Pan. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con, un certain midi cette semaine. Hey, aujourd'hui, on a la présence de Zachary, Janvier et Homme. Salut! Salut, Zach! Salut! Ça va? Ouais. Yes, qu'est-ce que tu fais là? Ben... Tu vas-tu nous faire une critique de jeu tantôt? Peut-être. Peut-être? Bon, OK. Donc, on a un nouveau co-animateur aujourd'hui. Peut-être que Zachary va trouver ça drôle, le petit qui s'en vient là. C'est une Britannique qui arrache les testicules de son ami avec ses dents. Ah, ben oui. Quelle excellente idée. Donc, on va apprendre ça. Il y a un film, on va parler d'un film qui dure 10 jours de temps. Oh my God, comptez pas sur moi. Il y a quelques longueurs. On a le top 10 des causes les plus récentes de rupture. Donc, on va vous parler de cela. Oh, intéressant. On va vous parler aussi de son singe qui son singe saisi. Donc, tu sais, mettons, ton animal de compagnie, c'est un singe, oui. Est saisi. Et elle dit, je suis dépité, il buvait même de la bière avec nous. Oh, mais ils ont saisi son animal de compagnie. Ben oui. Ah, mais ça, c'est triste. On va apprendre pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Un singe en plus. Tout le monde voudrait avoir un singe. Ouais, il y a bien des places que t'as pas le droit d'en avoir, par exemple. Oui, je sais, d'ailleurs ici. C'est ça. Donc, Nelson Mandela qui crée sa marque de prêt-à-porter. OK. Un peu étrange. Oui. Et puis, entre autres, on va aller aussi, une nouvelle, une dame croise son agresseur au commissariat de police où elle porte plainte. Aïe, aïe. C'est un beau hasard, ça. Ça va bien pour l'identification. Tout à fait. Donc, ça et plus encore, bien sûr, dans ce dîner de cons. Sinon, ben, faudrait peut-être aller... Ben, tiens, on va commencer avec une. Tiens, hein, on va y aller avec, justement, cette Britannique qui arrache les testicules de son ami avec ses dents. Donc, vu l'état de choc dans lequel se trouvait la victime, je comprends, au moment de son appel, eh bien, les urgentistes ont eu du mal à comprendre les raisons de son appel. C'est en voyant le bain de sang et des testicules détachés que les ambulanciers, une fois sur place, ont pu rendre compte de la gravité des faits. C'est atroce. Selon les enquêteurs, eh bien, Maria Georgiana Todd et son compagnon étaient ivres au moment de cette castration buccale. Hospitalisée, la victime devra recevoir une greffe des testicules et du scrotum. Quant à la mère de ses quatre enfants, elle sera jugée le mois prochain. Pour l'instant, elle a été libérée sous caution. Non. Non, je la ferai pas être libérée. Ben, je veux dire, mais on nous dit pas qu'est-ce qu'il libère sous caution quand il juge qu'il y a pas de risque. Ouais, d'après moi, il y a pas vraiment de risque à réarracher des testicules avec ses dents d'ici à la date de son procès. Là-dessus, donc, je te l'accorde. Si j'étais le juge, je l'aurais probablement libéré sous caution moi aussi, même si tu sais, je l'aurais fait en ayant peur pour mes balls. Ouais, un petit peu. En tout cas, assez étrange cette nouvelle. Et puis j'aimerais avoir plus de détails sur qu'est-ce la cause de tout ça. Ben, d'après moi, ils se sont un peu emportés. Je pense qu'ils sont un peu emportés, c'est possible. En tout cas, on va... vas-y. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, non, non, Zach, il veut pas parler. Surtout pas là-dessus, hey. Donc, on continue. Elle croise son agresseur au commissariat de police où elle porte plainte. Donc, une femme qui s'était fait agresser par un homme et venue lui voler son sac à main a eu la surprise de croiser son agresseur au commissariat de Villepinte. C'est un policier. Possible, on sait jamais. Où elle voulait porter plainte. Donc, le 12 janvier, une femme est dans sa voiture de la commune de Villepinte lorsqu'un homme brise soudainement une vitre, carjacking, hein, comme on dit, oui. Une vitre de son véhicule et tente de lui voler son sac à main. Résistant à son agresseur, elle reçoit plusieurs coups de poing au visage. C'est gentil, ça. Ça, c'est agression armée que ça s'appelle. Oui, ça, ça, les voies de fait. C'est bien pire que le vol. Donc, elle réussit par contre à garder son sac suite à ses blessures. La femme est en incapacité de travailler durant plusieurs jours et se rend quelques jours après son agression au commissariat de police de Villepinte pour déposer sa plainte. C'est là qu'elle tombe nez à nez avec son agresseur venu porter plainte pour une toute autre affaire. La victime arrive alors et avertit les policiers qui décident de laisser partir l'agresseur, mais de le surveiller. Mardi 15 mars, l'homme est finalement arrêté et déféré au tribunal de Bombigny où il est depuis mis et où il a été déjà remis en liberté, mais est placé sous contrôle judiciaire. Je comprends pas. Mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. En tout cas, il y a quand même des conditions. Ils doivent avoir des doutes par rapport au témoignage de la madame s'ils ont agi sûrement, comme ça. Sûrement. Sauf que moi, personnellement, à la base, j'aurais pensé qu'elle l'aurait vu au commissariat à cause qu'il se serait fait prendre pour un autre méfait. Ben non, il était allé porter plainte. C'est ça que je trouve le plus extraordinaire dans tout ça. Mais sinon, par exemple, je trouve que la fin de l'histoire est un peu étrange. Oui, mais c'est ce que je trouve aussi. Ça a fini en queue de poisson. Exactement. On vous parle d'un film qui dure 10 jours, Charles-André. Ouais, non, mais ça, c'est un peu exagéré. Hein? Un peu, tu dis? Ben, je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont filmé 10 jours de temps comme ça? J'aimerais bien ça le savoir, mais on va t'en parler, Drella. Donc, c'est à l'occasion d'un festival sur l'art moderne qui doit se dérouler à Helsinki cette semaine que les organisateurs ont annoncé la projection du plus long métrage jamais projeté. Et puis, le titre long métrage, hein, cette fois-ci, il est bien choisi. Bien choisi. Il est intitulé Modern Time Forever, comme les temps modernes de Charlie Chaplin à l'époque. Mais c'est les temps modernes, mais pour toujours. C'est le titre. Il doit durer 240 heures. Oh non! Soit environ une dizaine de jours. Le groupe d'artistes danois Superflex est à l'origine de ce projet complètement fou. Ce film de science-fiction se situe dans un futur apocalyptique où la race humaine a disparu. On pourra ensuite y voir le siège du papetier finlandais Stora Enso à Helsinki se délabrer naturellement et inlassablement au fil des années. Selon nos informations, c'est le plus long film du monde. Et je cite Paula Topila, directrice du festival IHME, dans les colonnes de l'association France Presse. Le siège de Stora Enso, le fameux papetier, a été choisi car c'est un symbole de pouvoir, c'est un endroit central, presque monumental. Et toujours selon la directrice de l'événement, ça se déroule dans la capitale finlandaise. Et puis c'est ça, c'est un symbole pour Helsinki, cette usine-là. Donc la projection se fera en plein air sur un écran de 40 mètres carrés, placé face au bâtiment montré dans le film. Et ce très, très long métrage débutera à 20h. À 20h, puis ça va se poursuivre pendant 10 jours. Je veux dire, le concept est intéressant, mais il y a quelque chose qui me dit que le film est d'une platitude irrévocable. Possible. En tout cas, ça doit être assez difficile de tenir la laine des spectateurs pendant 240 heures. Ben là, tu t'installes en camping, là, tu sais quoi, puis... Toi, Zachary, un film qui dure 240 heures, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, vas-y. T'aimerais-tu ça, voir ça? Ben, pas vraiment. Mais ce que je me demande, c'est combien de temps ça a pris pour le faire? Ah, c'est une bonne question. Si un film de 2 heures, ça prend des mois. Des fois des années, hein? C'est ça. Ben, un film de 10 jours, c'est assez long. Tout à fait. Ben, peut-être que ça a pris 240 heures à tourner, puis c'est ça qui fait qu'il est plate à mort. C'est ce que j'ai peur, justement. Mais c'est il est peut-être même en work in progress, tu sais, on rajoute à mesure des... Ouais. On est en train de le faire. Il est en train de projeter, puis on rajoute des affaires. Mais sinon, ça me fait penser à ces DJ qui font des marathons là, oui. De mixage, puis c'est plus de la quantité que de la qualité. Oui, là, oui, t'sais. Tout à fait. Moi, j'aime mieux un film de 15 minutes, un coup de poing, là, tu sais quoi. Qui marche. Un genre de... Kalashnikov, là, ou quelque chose du genre. magnifique, ça. Ces gars-là, ils sont géniaux, pour vrai, ceux qui faisaient ça. Oui, tout à fait. C'est la gang de Tom et ses chums, si vous voulez aller voir ça sur Internet, là, ça vaut la peine, des anciens gars de Phylactère Cola aussi. Oui, oui, oui. VICE, de Black Taboo. Oui, exactement, ils ont collaboré avec eux autres. Mais d'ailleurs, les courts-métrages de la gang de Black Taboo sont hilarants. Là. Tout à fait. C'est très, très bon du Black Taboo. Et Danny, toi, tu as fait partie de cette vidéo-là. De quelle, donc? De Kalashnipot. Ah oui, Kalashnipot, c'est vrai. Je joue dedans. Pour vrai? Oui, j'étais un des gars qui se sauve un moment donné. Je me rappelle c'est une fierté pour moi film. T'es dans le cast d'un des meilleurs courts-métrages. Une dernière petite nouvelle avant de se sauver dans la mousse. Pourquoi pas? Eh bien, il fabrique des sous-vêtements anti-rayon X. Donc, fini les douaniers qui se plaisent de vous regarder dans votre plus simple appareil. Sauf que là, tu portes des bobettes en plomb, ça doit pas être bon pour la fertilité, ça. Ah, en tout cas, on va aller voir. À 54 ans, Steve Bradshaw a peut-être trouvé l'idée qui va le rendre riche. En effet, ce Britannique a confectionné des sous-vêtements capables de masquer notre intimité lors des contrôles utilisant les rayons X. Pour cela, ils ont recouvert d'une matière spéciale mélangeant métal et verre, qui permet ainsi de cacher les parties intimes sans pour autant cacher un couteau ou d'armes à feu ou encore des explosifs. Ah bon, ben tant mieux, au moins si ça cache pas le matériel. Ça cache l'outillage, par exemple. Ça cache l'outil, mais pas le matériel. Exact. Donc, selon le Daily Mail, eh bien, l'idée de ces sous-vêtements a germé dans la tête de Steve Bradshaw lorsque ce dernier a arrêté son avion à Manchester il y a quelques mois pour avoir refusé de passer au test des rayons X qui, selon lui, mettaient son intimité en danger. Ben, pas en danger, mais dans le sens... Ben non, mais je veux dire, au vu et au su... Mettait à mal son intimité. Tiens, les machines fonctionnent donc à différentes longueurs d'onde et le pantalon contient des fibres qui réagissent au rayonnement des différentes ondes. Les petits trous laissés par le tissu donc permettent aux écrans de contrôle de repérer les objets métalliques tels un pistolet, mais pas son pistolet personnel. Reste désormais donc à autoriser la vente de ces sous-vêtements magiques par le ministère des Transports et pour le moment, l'affaire est mal engagée. Les images produites par le scanner ne révèlent donc aucun signe distinctif. Il est alors impossible d'identifier une personne, mais uniquement de détecter la dissimulation des objets dangereux, a expliqué le porte-parole du ministère. En clair, les sous-vêtements de Steve Bradshaw ne servent à rien. Il y a quelques mois, un autre Britannique avait annoncé avoir créé ses sous-vêtements bloquant les rayons X. Seulement, l'homme n'avait jamais eu l'autorisation de les mettre en vente. Donc, il existe, mais le gouvernement ne veut pas. Non, le gouvernement ne veut pas. Ils veulent que les douaniers voient votre trilili. Exactement. Ah, c'est comme ça. Ça sont de... Ben, je veux dire, regarde-le. Ben, moi aussi, être douanier, tu sais, je me plaindrais, puis je voudrais voir les trilélis de tout le monde. Ben oui, exactement. Mais moi, en tant que voyageur, là... En tant que voyageur, je veux dire, regardez-moi le sexe autant que vous voudrez, là, puis laissez-moi grimper dans mon avion, là. Regarde, on va arrêter ça, les niaiseries. On va arrêter les niaiseries. Non, mais je veux dire... Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.